Bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous parler dans ce nouveau podcast de podcastination de la Wii. Un podcast qui va nous permettre de revenir à la fois sur la création de la console, sur les jeux importants, parce qu'il y a quand même eu finalement pas mal de jeux et de bons jeux qui sont sortis durant les 6 ans, durant les 6 ans d'existence, parce que la console va fêter en ce mois de décembre sa 6e année d'existence. Et on va finir donc sur des débats, des questionnements autour de la console, sur ce qu'elle a pu apporter aux jeux vidéo et sur les défauts qu'elle a pu avoir. Donc pour cela, je suis entouré de Gallium. Bonsoir Gallium. Bonsoir. L'homme du bocal est avec nous. Nous allons aussi accueillir Chino, Bonsoir. le fils caché de Evgeimo. Vous avez entendu de faire la voix hein, tout à l'heure. Et bien sûr, évidemment, mon acolyte, Tuntun. Bonsoir Tuntun. Voilà, c'est très bien. On va pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire de la Wii? Comment est-ce qu'elle a été créée cette console, Antoine, Elle a Tuntun? commencé, enfin, ils ont commencé les recherches comme toutes les autres consoles après la sortie de Cube. Et en fait, il y a eu pas mal de changements à cette époque-là, c'est-à-dire que la GameCube est sortie en 2001 au Japon, 2002 chez nous, et ils ont commencé directement, et sachant que il y a eu un changement de présidence à ce moment-là. Yamauchi, le président historique, a pris sa retraite et c'est Satoru Iwata qui a pris sa succession. Satoru Iwata qui venait de chez HAL Laboratory. Et au fil du développement, ils ont quand même vu que les ventes de la GameCube, bah, c'était pas ça du tout, la console ne marchait pas. Et donc ils ont voulu, Iwata a voulu changer de stratégie, relancer la marque. Et pour ça, ils ont adopté une stratégie qui a été mise en place en 98 et qui a fait son chemin petit à petit, qui s'appelle la stratégie de l'océan bleu, Blue Ocean en anglais donc. Bravo! Ouais, Bravo! traducteur. Et donc en fait, la stratégie du Blue Ocean, c'est d'ouvrir le marché à un nouveau public, d'aller ch chercher un public qui n'est pas dans le marché actuel. Donc pour le jeu vidéo, bah, ça consiste à aller chercher les femmes, les personnes plus âgées, les retraités comme beaucoup aiment à le rappeler maintenant. Et voilà, c'était le pari de Nintendo d'aller chercher un nouveau public, puisqu'ils se sont rendus compte qu'avec la GameCube, ils pouvaient plus, étant donné qu'ils avaient peu de soutien des tiers, ils pouvaient plus faire concurrence à deux constructeurs en même temps. C'était aussi ça, voilà. Il voulait arrêter cette course à l'armement, entre guillemets, avec Bah, il des. fallait aussi comprendre qu'à cette époque, il y avait la PS2 et la Xbox déjà qui étaient implantées et que donc peut-être La qu'il y avait une GameCube et machine de l'Xbox sont trop. arrivés à peu près en même temps. Ouais. Ouais, à peu près, oui. Mais on va dire que les éditeurs tiers sont. Enfin, la Xbox a quand même assez vite pris le marché américain, donc ils ont. Je suis. Après, Nintendo était trop, on va dire, dans cette course à la technologie. Et on avait donc trois consoles qui étaient assez finalement Bah, très similaires. très proche, ouais. Très proche, assez similaire, et donc dans ces cas-là, avec les trois mêmes stratégies, bon bah ça allait pas quoi. Bah, Puis surtout, c'est bah, les développeurs sortaient, les éditeurs sortaient quasiment bah, les mêmes jeux pour les trois consoles, quoi. exactement. Bah, c'est là qu'a commencé, on va dire, le multi-support massif. Il y a déjà eu, bon, pas encore autant que la génération actuelle, mais déjà à l'époque GameCube, PS2, Xbox, il y a déjà commencé à avoir du multi-support massif qui s'organisait. Il y avait une vraie volonté de la part de Nintendo de réduire les coûts de développement qui évidemment C'était. allaient qui allaient de Bah, en génération fait, en ça génération. commençait à Il monter s'était déjà à dit cette époque. surtout, là on vient de sortir une console qui est quand même techniquement très avancée, parce que la GameCube c'était quand même une console super optimisée avec Enfin, voilà, technologiquement, c'était quand même très très lourd, quoi. Enfin, c'est quasiment au niveau de la Xbox. Bah, il me semble qu'elle C'était était pas aussi n'importe quoi. performante, hein. Elle était pas, Bah, elle était déjà plus il y performante que la avait. PS2, il me semble. Oui, bah, Mmh. par rapport à la PS2, largement. Après, par rapport à la Xbox, en puissance brute, elle était un peu moins bonne. Mais après, il y avait, elle gérait des effets, etc., que les deux autres ne géraient pas forcément. Enfin, de toute façon, c'est jamais. Jamais on peut pas dire telle console est plus puissante ou quoi, enfin ça Non, de invente toute pas façon, grand la chose. puissance n'est C'est que. juste que la GameCube était technologiquement avancée et il y avait de très beaux jeux qui tournaient dessus. Et au final, la console s'est vendue à 22 millions d'exemplaires, si je dis pas de bêtises. Ce qui est pas un bid complet quand même, Ce hein. qui est, ouais, Non, c'est c'est pas un quand bid même, complet. Nintendo, c'est c'est quand même pas. très très très faible. C'est très faible. 22 22 oui, non, millions. mais c'est, je veux dire, c'est pas non plus. On va prendre on va dire que c'est un résultat qui est décevant pour Nintendo, mais c'est pas non plus un gros bid, Ah genre bah si, Virtual si Boy par si, il me exemple. semble, Si je suis pas certain, c'est je suis un pas énorme certain, mais il me bide. semble. Tu lances une console comme ça, avec tout ce qu'il y a derrière de recherche et développement, enfin voilà, il y a quand même énormément de coûts qui Et est derrière. faut pas oublier que la console a terminé sa vie avec un prix extrêmement agressif, puisqu'on était Oui, sur un prix à 100 euros. 100 euros, oui, ouais, ça a été très agressif à la fin, hein, Et ouais. mais voilà, et Nintendo, enfin c'est parce que c'est Nintendo qu'ils ont pu gérer cet échec, parce qu'ils avaient Pokémon à côté, parce qu'ils avaient La Game Boy la Advance. GBA Bah, ils avaient la Game Boy. qui fonctionnait très très bien derrière, Et puis il faut dire aussi que Nintendo mais avait un trésor de guerre vraiment très très important au niveau finance. à l'époque non, parce qu'ils sortaient de la Non? 64 qui avait pas marché non plus. S'ils ont survécu à l'époque, c'était grâce à Pokémon et quasiment uniquement grâce à Pokémon. Et ça a été une période très difficile pour eux. Et c'est pour ça qu'Iwata a voulu changer complètement de stratégie, arrêter la course à la technologie qui coûte vraiment, enfin qui leur coûtait très cher et qui les bridait un peu sur d'autres trucs. Et en fait, voilà, ils se sont dit, on est sur la GameCube, on est face à des concurrents qui sont exactement sur le même créneau que nous. Ça n'a pas fonctionné, bah on va changer complètement et on va aller essayer de chercher un public qui ne joue pas habituellement aux jeux vidéo. Pour Tu ça, t'arrêtes à et... la. Ouais. Non, vas-y, continue. Hein, donc Vas-y, vas-y, pour Gadium. ça. Non, je disais, oui, tu parlais de la N64 tout à l'heure. Je crois que la GameCube, tu me disais, c'était 22 millions. Je crois que c'est 10 millions de moins que la N64. Ouais, ça doit être Donc, oui, ça, il à me peu semble, près oui. 30, Donc, ça 35, prouve 40 millions, un truc comme ça. que, ouais, niveau console de salon, ils étaient dans la merde. Et de toute façon, ils n'avaient pas intérêt à continuer cette stratégie parce qu'ils partaient perdants. Ah Bah, oui, de toute clairement, façon, clairement. il faut aussi comprendre que l'époque. À l'époque de Nintendo 64 et à l'époque de la GameCube, il y a eu l'émergence absolument phénoménale dans le marché de la console de la marque PlayStation, et donc ça a complètement, ça a été une véritable vague de fond Allez, sur les complètement. deux Ouais. générations. Oui, clairement, ils ont subi d'énormes dégâts et voilà, fallait Comme absolument ces qu'ils se gars. reprennent. Comme Sega, sauf que Nintendo a fait moins de Bah, conneries au mieux gérer, c'est mieux gérer, quoi. niveau des budgets, des campagnes de pub, enfin Et puis les ils ont pas gars, sorti une Nintendo voilà. 64 32X. Mais Ouais, on va partir des débats, mais bon. ceci est une autre question. Voilà. Tout à fait. Donc repartons sur la Wii et donc voilà, pour aller chercher ce nouveau public, ils ont cherché à simplifier l'interface de jeu, la manière dont on joue, puisque c'était un problème récurrent chez les non-joueurs, on leur met une manette dans les mains, bah c'est quoi tous ces boutons, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment s'en servir, quoi, tout Voilà. simplement. Donc ils sont partis sur cette idée. Au fur et à mesure, l'idée du motion gaming qui arrivait, qui s'est mis en place. La console a été annoncée à la conférence Precube en, En je dis pas de 2004. bêtises, en 2004, exactement. 2004, ouais. Donc c'est juste, Ah, alors là, tout c'est doucement. juste la console C'est qui pas a été plutôt annoncée. 2005, attends voir. Non, sans que... ah, non, non, c'est 2004 non le ah, l'annonce, l'annonce de officielle du d'accord développement de la console. Ok. Là, donc à l'époque, 2005, qui, okay, est, qui est connu sous le nom de Projet Révolution. Voilà. You will say wo. Comment? Non, non, c'est un truc que Iwata disait, genre, à l'époque justement, où il ah, présentait oui la révolution, parce que bon, il n'était pas encore très sûr du concept. Et il a dit un truc du genre, when you see the graphics, you will say wow. Ouais, et ça, ça, ah, ça oui, c'était fameux, en 2005, oui, un truc comme ça. Ça, et, tous les trolls l'ont retenu. Tu m'étonnes. Et d'ailleurs, alors, d'ailleurs pour donc, le projet Révolution, il s'appelait Révolution, pas par rapport au fait que ça soit une révolution vidéoludique ou quoi que ce soit. C'était par rapport au fait que, bah, justement, il y avait le motion gaming. Et c'était pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Après. Ils ont clairement joué sur le nom du projet aussi pour dire voilà on va bouleverser on va bouleverser les codes etc. Mais à la base le nom du projet c'est clairement pour le motion gaming et l'idée de révolution tournée autour etc. Bah ça donnait un petit peu comment dire l'ambition de la démarche quoi on va dire. Ouais ouais ouais. Mais à l'époque, on savait, à l'époque, on savait pas du tout. Non, on savait pas du voilà tout. Parce que alors, du coup, la console a été montrée. Donc, en début 2005 à peu près, c'est à ce moment-là que la manette a été designée, a pris sa forme pas finale, mais presque, c'est-à-dire la forme de la télécommande telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ça devait être montré à la conférence Precube 2005. Et en fait, ils l'ont pas fait suite à quelques problèmes techniques, etc. Du coup, ils ont montré juste la console en elle-même. Et on là, avait ça pas a eu été d'abord pareil, un logo ça a été, aussi. Ça a été assez. Comment? On n'avait pas eu aussi un logo, il me semble. Je sais plus. Révolution, ouais, il y en a eu, mais c'était. Il n'y avait pas de truc officiel, en fait. Oui, voilà, oui. Enfin, mais il me semble que j'avais eu un logo aussi, Révolution, vraiment. Mais ils ont montré la console et là c'est pareil, ça a été quand même un petit choc parce que c'était enfin la console était quand même ultra petite, ouais, encore plus petite que la GameCube. Et elle était noire. Il faut bien préciser aussi au départ. Le prototype était noir, celui qui était montré en 2005. Ah, possible, oui. Ça, je me souviens. Si je m'en rappelle. Ce qui est intéressant au niveau du design, c'est qu'ils avaient aussi la volonté de sortir de cette image de console de jeu égale à un jouet. Ouais. C'est-à-dire que vraiment les consoles Nintendo auparavant, avant la Wii, des études le montraient, hein, des études de consommateurs désignaient donc une console Nintendo comme un jouet, donc forcément faite uniquement pour les enfants. Alors, ils ont déjà c'est ce qui a beaucoup desservi la GameCube aussi. Hein. Ouais. Son design très très joué, le petit cube et tout. Ah, violet aussi. Et le violet était pas très. Ça dépareillait un peu avec le look Xbox qui était très adulte et aussi la PS2 qui était un peu, qui était plus high tech que console quoi. Bah oui, le monolithe quoi, c'est. Ouais. Et je te laisse reprendre. Romain. Oui, donc ce que je voulais dire également, c'est que du coup ils ont quand même essayé de pallier ce défaut. Alors en faisant d'un côté un design qui s'accorde plus avec pour permettre leur à un volonté, adulte de jouer. Et leur volonté, c'était que ça soit un objet qui prenne place dans le salon sans que ça dénote avec le reste du mobilier. Que ça fasse partie du paysage, quoi. Tout en restant robuste, quoi, parce qu'évidemment, les enfants vont y jouer, mais il fallait quand même garder quelque chose qui reste solide et qui n'ait pas de soucis de fiabilité à ce niveau-là, quoi. Non, mais ce qui est normal, oui. Ah. Oui. Donc, nous en étions... Alors, la console avait été montrée, donc tu disais, en 2005 avec la Wiimote au TGS. Et donc, c'est en 2006 qu'on a eu les premières grosses informations. Bon, on pourrait quand même parler un petit peu de la présentation de la Wiimote, quand même, parce que c'est très intéressant. Il faut dire qu'à l'époque, il y a eu une très grosse curiosité autour justement de cette manette, parce que Nintendo a montré seulement la console pendant très longtemps. Bah, et, pendant 3 mois. Pendant 3 mois, ouais. La console a été dévoilée à l'iCube 2005, ouais. Et la manette a été montrée par Iwata à la conférence qui s'est déroulée en même temps que le TGS 2005. Oui. Mais donc ça au a mois été de septembre. Mais il y a eu une vraie curiosité autour justement de cette manette, Ah, car on... c'était quand même, enfin, faut rappeler. Je me rappelle qu'à l'époque, moi j'étais hypé, moi je suis resté, il me semble c'était à quelle heure? En plus c'était tard là, le soir, il me semble, à la conférence, hein. Bah, Genre c'était 3-4 heures du matin, hein. heure du Japon, donc Ouais, oui, donc oui. c'était dans la nuit, quoi. Et donc moi, je me rappelle que quand j'ai vu la conférence, enfin, j'ai pas vu la conférence en elle-même, mais quand les premières photos Les photos, ouais, de la où, Wiimote avec étaient sorties, Iwata j'ai qui fait, brandit la qu'est-ce que Wiimote. c'est que ce truc? Parce que Tout le monde parlait il de faut comprendre que télécommande. la Wiimote a été présentée et basta. Il n'y a pas eu de démonstration, il n'y a rien eu d'autre, hein. Et d'ailleurs, on savait même pas ce qu'elle était censée faire. Voilà, Pour le motion, exactement. ils en ont pas C'est vrai qu'on parlé n'en du parle pas tout à motion. l'heure. Et de la détection de mouvement, ils en parlaient pas de tout Donc, ça. ils n'en ont pas Et parlé du c'était tout. juste. Voilà, on avait juste une télécommande. Et qu'est-ce qu'on Et il me fait semble avec qu'il y a ça, eu quoi? Nunchuk aussi, non? Le Non, Nunchuk a non, été non. présenté en même Juste temps, non? la Wiimote. Juste la télécommande? Juste la Wiimote, Oui. ok. Ok. Et donc ensuite, voilà, c'était pendant plusieurs mois, on n'a pas su vraiment ce que ça faisait. Il y avait des rumeurs, etc. On savait juste que, voilà, par rapport au nom Révolution, on savait que ils avaient une vraie volonté de changer notre façon de jouer. Et d'ailleurs, une petite anecdote là-dessus. Il y avait eu juste avant l'E3 2005 où il y avait un blackout total sur les infos concernant la console, etc. On avait eu une vidéo qui avait été leakée. Donc c'était le Nintendo On. Je sais pas si vous vous Je m'en souvenez. rappelle. Si. Alors c'était une vidéo super bien faite sur un casque de réalité augmentée, enfin, de réalité virtuelle. Virtuel, ben ouais. Et c'était donc le Nintendo One. Il y avait toute une vidéo de présentation qui faisait 10 minutes, un quart d'heure, je crois, qui présentait le truc, etc. Et c'était tellement bien fait que bah, tout le monde y a cru, tout le monde se disait, mais c'est pas possible que ça soit un fake. Je rajouterais quand même un bémol sur la fin avec le Mario. Le Mario était franchement, comment dire, le look était vraiment pas très très. Voilà, c'est vraiment le truc pour moi qui m'a fait dire que c'était un fake. S'il n'y avait Oui. pas eu le Mario à la fin, peut-être que j'aurais eu aucun Et après, doute. voilà, moi je me souviens d'analyse sur ce truc où il y en a qui regardaient les reflets dans le casque pour savoir Oui, où donc on voyait des de, y en a qui voyaient dans le reflet du casque le Kodak Theater où il y avait les conférences à Los Angeles, etc. Enfin, c'était du grand n'importe quoi Mais et d'ailleurs... c'est un des plus grands canulars qui a été fait dans le monde du jeu vidéo. Parce D'ailleurs, qu'en moi fait. j'inviterai les auditeurs à... Nos auditeurs à taper Nintendo Own sur YouTube. Je pense qu'on peut encore le trouver quelque part, à mon avis, en fouinant un Oui, peu... la, C'est la sûr que ça vidéo connaît. doit être possible, enfin doit être retrouvable, Doit être etc. trouvable, hein. Mais voilà, et en fait, finalement, c'était fait par un Espagnol. Je me souviens plus de son nom, mais voilà, il avait fait ça dans son coin, juste pour se marrer. Bon, techniquement, c'était très, très, très bon, quand même. Bah, les premières séquences étaient vraiment belles, quoi. C'était vraiment bien foutu, quoi. Ah oui, c'était ouais, très, très bien fait, quoi. Et beaucoup de monde y a cru et ça a alimenté les rumeurs pendant quelques temps. Bah, il faut dire qu'à cause du blackout de Nintendo là-dessus, on a eu pendant plusieurs mois, en fait, entre la présentation de la Wiimote et l'E3, on a vraiment eu pas grand-chose, quoi, hein, donc... Ah ouais, on n'a rien eu du tout. On n'a Et rien eu du donc? tout. Hein. En même temps, c'est une méthode habituelle chez Nintendo, hein, le Oui. blackout. Oui. Et c'est ce qui fait qu'on est content quand on découvre tout lors de la conférence. Oui, voilà. Que là, dernièrement, les différents E3, on sait à peu près tout ce qui Bah va être après présenté à l'avance, c'est quoi. Donc, après bon, on va pas s'étaler là-dessus, mais c'est une autre époque, on va dire. C'est encore une époque où la communication Internet n'était pas encore aussi importante que maintenant, où là quasiment Internet a pris vraiment est vraiment entré Oui, dans le marketing. clairement, clairement. Voilà donc, et on arrive à l'E3 2006 avec cette fois-ci la présentation officielle de la console, du concept de la console, de la Wiimote, des différents jeux qu'il y a et surtout du Du nom nom, du de nom la définitif. Du console. nom, de la date de sortie, il me semble La aussi, date non? de sortie, non, ça a été fait Non? pendant une conférence, enfin une conférence par continent. Enfin, par zone Par zone géographique. Hein. Zone géographique, voilà, exactement. Et c'était pas Nintendo Direct. C'était pas des Nintendo Direct, mais c'était des conférences bah, comme on a eu pour la 3DS, par exemple. Voilà. Où ils présentaient la date de sortie, les différents jeux de lancement, etc. Et donc, pour cette E3 2006, on a eu le fameux nom de console, la Wii, qui a choqué à peu près tout le monde à l'époque. Oui. Bah, il faut dire que c'était un peu la conférence, c'était un peu le grand déballage, quoi. On pourrait résumer ça comme ça. Hein. Vu qu'on n'avait aucune info jusque-là, ils ont tout annoncé d'un coup. Ils ont tout annoncé d'un coup, hein. C'était... Le Megaton. Oui, le Megaton, ce qu'on Megaton. Attend toujours. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait comme jeu de présenter Il y avait Wii Sports, il y avait Mario Galaxy, le Zelda... qui a été annoncé à ce moment-là sur Wii, puisqu'avant il était prévu sur GameCube. Sur GameCube. Et faisait le bonheur des fans depuis 3-4 ans, puisqu'il avait été annoncé en 2003. Il a pris énormément de temps. Oui. 2003, ouais, je crois. C'est pas 2004, c'est pas à la 2004 qu'ils ont fait la présentation, trailer. Oh, Link est de retour en réaliste. C'était un 2003 ou 2004, je sais plus. Et oui, c'est... donc voilà, ils l'ont annoncé pour le lancement. Il y a eu Mario Galaxy d'annoncer à ce moment-là aussi. Ouais. Il y avait eu Disaster. Il y avait eu Final Fantasy. Crystal Chronicles. Crystal Beerers. Crystal Chronicles, Crystal Beerers. Oui, voilà, c'est ça en fait, ouais. Il y a eu aussi le Project Hammer qui a été annulé. Exactement. Il y avait eu pas mal de jeux, il y avait eu un Splinter Cell, Call of Duty, enfin il y avait eu pas mal de jeux qui ont été présentés. Et c'était quoi les premiers avis par rapport, je pense notamment à la puissance de la console. C'était une claque pour tout le monde. Il faut bien comprendre que par exemple en 2006, le jeu, quand pour essayer la console, il y avait 3 heures de queue, ce qui était quand même quasiment du jamais vu pour à l'E3. D'ailleurs, ce qui a provoqué après un petit peu des. Qui a eu des grosses répercussions d'ailleurs pour l'E3 à l'avenir. Hein. Oui. Mais oui, c'était une claque pour tout le monde parce que tout le monde. Enfin, on passait dans un autre monde. La détection de mouvement, c'est un peu. C'était un peu un fantasme comme le casque de réalité virtuelle ou des choses comme ça. C'est un peu un fantasme. Depuis toujours, avec le Power Glove, à l'époque, on avait eu un très très très léger aperçu du truc, mais c'était un énorme fantasme. Quoi. Je me souviens d'un accessoire PlayStation, une manette PlayStation qui ressemblait beaucoup au Nunchuk, qui était sorti à l'époque sur PlayStation 1. En fait, il y avait tous les boutons d'action sur qui le était, haut, sur le Nunchuk, on va dire, et dans le bas, au creux de la paume, tu avais la croix directionnelle. Et finalement, voilà, ça je m'en rappelle. C'est une sorte de version hybride de ce qu'on connaît aujourd'hui avec le Nunchuk et la télécommande. Mais bon, ça c'est pas, c'est plus de l'anecdote qu'autre chose parce que ça. C'est un ça, accessoire c'est de toute façon, vendu, hein, ce PlayStation. Ce qui a fait la grosse différence par rapport à tout ce qui avait été fait avant dans ce sens-là, c'est que la Wiimote était de série avec la console. Voilà, c'était la manette par défaut. Faut bien préciser, voilà. Et c'était quelque chose de totalement nouveau, c'est ce qu'il y avait eu de plus poussé en termes de plus poussé et plus accessible en termes de détection de mouvement. Et en plus, c'était de base avec la console, donc c'est vrai qu'à l'époque, c'est plus ça en fait que le fait d'avoir une manette à détecteur de mouvement. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire par exemple, oh regardez, nous avons une manette à détecteur de mouvement pour quelques jeux, mais vous inquiétez pas, on a une manette normale pour ceux qui voudraient jouer à d'autres jeux. Ils ont clairement dit dès le début, voilà, notre manette de base, c'est la Wiimote. Voilà, basta. Et il y avait à l'époque, alors Nintendo n'avait pas fait de promesses dans ce sens-là. Mais tout le monde se mettait à rêver du 1.1, c'est-à-dire voilà. Les mouvements reproduits à la perfection. Et voilà, là, ça, c'est clair que beaucoup se sont mis à fantasmer là-dessus, et c'est là où la console a énormément déçu par la suite. Moi, je me rappelle que, ouais, alors effectivement, tu disais que c'était une claque pour tout le monde, et c'est vrai, mais moi, je me souviens qu'au début, enfin, avant que tout s'emballe un petit peu sur la Wii, j'ai douté de son succès, en fait. C'est vrai, maintenant, je le dis, en fait, j'imaginais les gamers, enfin, les consommateurs, trop à fond dans PlayStation, et j'ai peut-être manqué un peu de recul à ce niveau-là, parce que c'est vrai que. La présentation de la PS3 était un petit Il peu faut dire décevante. qu'en même temps, il y a la PS3 qui était présentée et voilà, la PS3 s'envoyait du pâté quand même, quoi. La Je me conférence suis dit, les mecs, 2006. je me suis dit, les mecs, bon, ils ont la PS2 cartonnée, ils vont passer à la PS3 comme des Oui, cons, bah Ouais, c'est. mais rappelle-toi de la fameuse conférence 2006. C'était quand C'est même la vrai. conférence de l'apocalypse. Ah ouais. Ouais, Five c'était. Under Avec le crabe géant. Ça, Oui, c'était beau. Giant Enemy Giant Crab. Enemy Et Crab. la boomerang? La manette Oui, de la la manette boomerang. PS3. La boomerang était dégueulasse cette manette. D'ailleurs, c'était 2005 ou 2006 qu'elle a été présentée. Parce Alors, la que à PS3 a été l'E3. présentée en tant que prototype, il me semble, en 2005. Ouais, il me Juste, semble il me aussi avec semble. les vidéos Avec pipotées le là. boomerang et les vidéos bullshit, je crois Killzone, aussi. ouais. Oui, Ridge Racer. Et justement, après, alors, c'était en 2005. Nintendo avait présenté sa manette en Au septembre TGS. 2005. Et à l'E3 2006, Sony avait présenté sa fameuse 6-axis qui faisait détection de mouvement et qui avait été bricolée 6 semaines avant l'E3 avec l'Air, je crois. Et oh mon Dieu, ça a repris la forme d'un DualShock. Ouais. Ils sont revenus à Mais un look beaucoup plus traditionnel oui, par rapport au bah, boomerang qui était montré. il y avait eu énormément de retours négatifs sur le boomerang. Et puis n'oublions pas la claque finale quand même au niveau de la conférence Sony, c'était le prix. Voilà, le prix du 199 $. Mon Voilà, Dieu. on va dire que Nintendo a quand même. Il y a eu deux conjonctions. En 2006, la Wii a été quand même la grosse attraction de l'E3. Ça a été vraiment quelque chose qui finalement signalait un petit peu le raz-de-marée qu'il allait avoir plus tard. Parce que je trouve que l'E3 a été un vrai baromètre à ce niveau-là. Et donc, il y a eu aussi la conférence de Sony qui a été une vraie catastrophe. Ils ont vraiment raté le lancement de la présentation de la PS3. Et c'est ce qui a amené les premiers mois très difficiles au niveau de Sony. Donc, les deux conjonctures se rejoignaient. Et puis finalement, l'avenir a montré qu'il y a quelque chose allait se passer. Que Nintendo était dans le vrai finalement. Voilà. Bah dans le vrai, au final, enfin, il y a pas de vrai ou pas, parce que on regarde la PS3, elle se vend encore bien, elle est à 70 Oui. millions d'unités vendues. Bah, il faut dire que la Ils PS3, sont ça a plus beaucoup leaders, plus quoi. été une course de Ils fond sont plus que. leaders, Voilà. mais en fait, il y a eu deux grosses divergences de stratégie et de vision du jeu vidéo. Entre Microsoft et Sony d'un côté qui voyaient leur console partir pour 10 ans et Nintendo qui di déjà lançait sa Wii, faut bien se dire que la Wii à l'époque c'était un énorme pari. Il sortait de deux gros échecs, deux très gros échecs même. Et la Wii c'était vraiment un pari. Ouais, Et comme l'était aussi la DS, hein. C'est comme ça, l'était ouais. la DS justement. Et que les deux, la DS et la Wii, c'était, on en rigole maintenant avec la 3DS où on parlait de console transitoire, mais la DS et la Wii, c'était exactement ça. Faut C'était des consoles, c'était un pari. Si ça marchait pas, ils avaient une solution de rechange. Parce que, alors pour la DS, je sais pas si vous vous souvenez, mais on parlait à l'époque, on dit Iwata D'une Miyamoto. D Game Disait Boy nouvelle génération. que la DS c'était enfin voilà, il y avait la DS et que par la suite il prévoyait de revenir à la Game Boy. Faut Comme pas oublier ça. aussi, il me semble que Satoru, je sais plus si c'était Iwata ou Yamauchi, qui avait dit que si la DS faisait 10% du marché, ce sera déjà très bien. Oui. Ah non, c'était clairement ça. Pour eux, c'était un pari, tester, voir s'ils pouvaient ouvrir le marché, aller plus loin, chercher de nouveaux consommateurs. Ce qui est quand même très marrant avec le recul. Cette déclaration est quand même très marrant avec le Ah recul. oui, mais Étant donné c'est l'évolution du pour bien marché se rendre compte maintenant. que c'était enfin le succès de la Wii a été quand même une énorme surprise pour tout le monde, quoi. Oui, bah Ouais, oui, bah, puisque. moi, ce que je disais, j'y croyais pas, quoi. À la base. Bah on est sorti quand même de plus de 10 ans de domination Sony, donc on se disait même que jamais Sony arriverait à être détrôné, que ça y est, le marché des consoles Et il est figé. surtout pas par Nintendo qui, Voilà, voilà, avec sa exactement. GameCube, c'était des licences vieillissantes, c'était des jeux bah, pour gamins. Nintendo avait beaucoup souffert de cette image-là avec la GameCube. La console avait fait un flop assez retentissant. Et se dire que la GameCube, il la vendait à 22 millions d'exemplaires. La Wii, 6 ans plus tard, ils en font 100 millions. Quasiment, ouais. Quasiment, ouais. C'est quasiment, ouais. C'est assez monstrueux. Et d'ailleurs, la Wii, c'est la console la plus vendue de Nintendo, quoi. Le console de salon. Console de salon, oui. Parce que console portable, La DS on va pas en est un parler. cran au-dessus encore. Bah, la DS est un cran au-dessus, mais même la Game Boy, la GBA, Oui, c'est plus de 100 millions chacune, c'est hein. vrai. On peut revenir vite fait sur les dates de sortie. Hein. Oui, Donc, allons-y. 2006, donc 19 novembre 2006, la console sort aux États-Unis. 2 décembre 2006, elle sort au Japon. Et 7 Alors, décembre 2006, elle sort en France. en France et en Europe, c'est 8 décembre. 8 7 décembre. décembre, c'est pour l'Australie et un autre territoire, je sais plus lequel. Mais chez nous, c'était le 8 décembre parce que c'était un vendredi, jour des sorties Je me souviens, Nintendo. c'était un vendredi. Vous l'aviez acheté Day One Oui. ou... Ouais. Je l'ai acheté Pas Day One, c'est moi, vrai. mon petit frère, pour Noël. Moi, je l'avais acheté Day One et je me souviens ce que Tu étais le premier. j'étais en BTS à l'époque, j'étais en première année de BTS le vendredi, on n'avait que 3 heures de cours. Et donc, j'avais gentiment décidé de ne pas y aller et Oh d'aller chercher ma là console là. et Quel d'y mauvais jouer comme un élève. porc Mais pendant tu es un 3 jours. rebelle là. Et T'es c'est ce comme ça que rebelle la que. société elle chute, c'est qu'avec des gens comme toi, Toonbo. Bravo Nintendo quoi. Mais non et je me souviens de ce jour-là parce que du coup mon frère m'avait accompagné pour l'acheter. Donc il avait Ah, aussi vous faites ses des achats en échos. famille. Et ouais, on fait nos achats en famille. Il avait acheté une Wiimote avec WePlay Oh il merde. s'était fait Et voilà. Et voilà WePlay. comment la Nintendo a régné. Et moi j'avais acheté Zelda et la console et bah Wii Sports qui était offert enfin qui était inclus dans le pack. Je me souviens de cette journée-là parce qu'on est rentré, on a déballé la console et tout, on a commencé à jouer. Et lui après il est parti bosser parce qu'il avait un vrai travail donc il pouvait pas ne pas aller bosser. Et après, à partir du début d'après-midi, ça a été le défilé des potes chez moi. Tous venaient essayer la console et tout. Pendant tout le week-end, en fait, c'était l'attraction. Fallait venir essayer la console, machin. Et voilà, Toon achète des consoles pour avoir des potes. Ouais, bah n'empêche que je devrais avoir une participation de la part de Nintendo parce que Je crois, il y en a beaucoup qui ont acheté la Wii. pour Et avoir une vie sociale. après l'avoir essayé À la maison. à la Et maison. toi, Gallium, qu'est-ce que tu avais acheté comme jeu avec Alors, moi, je me souviens d'avoir acheté Zelda. Voilà, le Twilight Princess, oui. Ben pareil, Zelda. Zelda Original, qui quoi. devait être à peu près 70%, 80% des ventes de jeux vendus avec la console. En même temps, il n'y avait pas grand-chose d'autre à côté, quoi. Mais Il bon. y avait pas mal d'autres choses, hein. Il y avait une quinzaine, vingtaine de jeux de sortie avec. Bah, je vous propose qu'on commence directement à passer justement sur la partie présentation des principaux jeux. Mais moi, Donc, j'aimerais juste faire une que des... précision sur le lancement de la Wii. Il me semble que c'est la première console de Nintendo qui a été lancée quasiment simultanément dans tous les territoires, non? Je sais plus, Toon. Oui, voilà. Ce qui est quand Trois même très semaines important dans la stratégie d'écart Nintendo. et qui ressemble à peu près au lancement de la Wii U d'ailleurs, Ouais, exactement. Oui, voilà. sauf que Qui a eu. les dates japonaises et européennes sont inversées. Oui, ça aussi, c'est une révolution, justement, il me semble, c'est que la Wii a été d'abord lancé aux États-Unis et Oui. pas au Japon, ce qui est quand Alors, même. Je sais c'était plus s'il l'avait fait compréhensible avant. dans le sens d'une sortie mondiale, puisque la Wii fallait, enfin, aux États-Unis, fallait la sortir pour le Black Friday qui est Exactement. mi-novembre. même stratégie finalement que pour la Wii U. Puisque la Wii U Exactement. Est sortie, il me semble, aussi pour le Black Friday. Tout à fait. Voilà, c'est la petite précision. Donc, on parlait tout à l'heure de The Legend of Zelda Twilight Princess, donc qui est sorti à la fois sur GameCube et sur, et sur Wii. Alors, je sais plus, je crois que c'est sur Wii, la version est pour les Zelda et, Link, pardon, et gaucher. Et non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il est droitier sur GameCube et gaucher. Et sur la version Wii, il est droitier puisque... En fait, on jouait avec Nunchuk dans la main gauche et Wiimote dans la main droite. Et pour plus de précision, de concordance, enfin de concordance avec les mouvements en fait. Voilà, comme pour, on a voilà. Pour plus de cohérence, on faisait les mouvements de l'épée donc avec la Wiimote de la même main que tenait l'épée que Link tenait son épée. Donc il fallait que ça soit à droite forcément. Ce qui fait dire d'ailleurs à certains que la vraie version de Zelda, c'est la version GameCube. Exactement. Oh, puisque voilà. Puisqu'en fait, le jeu a été totalement... c'est un mode miroir, en fait. C'est ça, oui. Tout a été complètement inversé. Inversé. Et beaucoup ont ragé là-dessus sur cette version qui n'est pas pour eux la vraie version, puisque la vraie version est la version GameCube et qu'il n'y a pas d'autre version. Oui, ça n'empêche pas que ça reste quand même un bon Zelda, un bon jeu. Ça, c'est pareil. Quand à son lancement, il a été applaudi. Et très avec vite, le temps, finalement, au bout d'un an, tout le monde l'a complètement décrié. Personnellement, moi, il m'a saoulé, moi, très vite, en fait. Moi, je l'ai pas fini non plus, mais j'aime pas les Zelda. en fait, j'ai joué, et donc, au début, donc, normal, c'était un peu fan de Zelda, super épique et tout. Et c'est très vite retombé, en fait, je suis très vite tombé sur les donjons super casse-couille, et je me suis demandé, putain, mais j'aime plus Zelda, en fait, quoi. Et ça me l'a fait sur les Zelda DS, en fait. En fait, ce qui s'est passé avec ce Zelda, c'est que c'est un Zelda très scolaire. C'est-à-dire que c'est un Zelda... Zelda de commande. Voilà, c'est vraiment un Zelda qui reste sur ses acquis, qui fait, allez, on va vous faire des donjons, on va vous mettre des objets dans les donjons, vous savez que pour tuer le boss, il faut utiliser ça. Exactement, en fait, voilà, c'est le gros problème, c'est qu'après Wind Waker... tout le monde a dit, beaucoup ont dit, ça serait bien un nouveau Zelda plus réaliste, de façon Ocarina of Time. Ils voulaient un truc à la Ocarina of Time. Et Nintendo s'est exécuté, il a fait un pur jeu, scolaire. Un pur Ocarina of Time. Voilà. Sauf que c'est un jeu de commande, c'est. Le truc qui fait kiffer, quoi. Enfin, je veux dire, le truc en plus qui. Voilà. Et ironiquement d'ailleurs, Wind Waker maintenant est très aimé. Alors qu'il était détesté au début. Voilà, exactement. Bah, il faut dire que ça a été un choc à Wind Waker au début. Enfin bon, on va pas revenir sur ça, mais. Première fois que j'ai vu le trailer, je me suis dit putain, c'est de la merde. Là, surtout après le trailer de la présentation de la GameCube où le combat de Link et Ganondorf. Voilà, c'est ce qui a énormément. Ouais, qui a provoqué ces relations un petit peu de rejet au départ. Parce qu'on avait tous vu ça, on s'est dit ah, ça tue. Et puis, on va avoir ça. Voilà, ouais. Alors qu'au final, le choix de design de Wind Waker est peut-être la meilleure idée qu'ils aient eue, parce que déjà à l'époque, ça tuait, enfin graphiquement, ça a c'était changé, hallucinant. Hein. Il faut dire que ça change énormément. Et surtout, ça vieillit carrément pas, quoi. Au niveau graphique, c'est le style a beaucoup joué, c'est ça en fait. Et le style cartoon de ce Zelda ne prend pas de rythme. Parce que tu le compares à Twilight Princess. Twilight Princess a très très mal vieilli, c'est bourré d'aliasing, c'est vraiment. C'est un jeu de lancement. C'est pas facile. Hein. C'est-à-dire que. C'est un jeu de lancement, mais c'est un jeu de fin de GameCube aussi. Donc, la GameCube était clairement poussée très loin avec ce jeu. Mais ça reste un jeu 3D, on va dire réaliste, même si c'est loin d'être réaliste dans le style graphique. Ça a pas le côté cartoon de Wind Waker qui vieillit pas. Finalement. Ça a pas le charme. On va dire, ce sera plus simple. Ça a pas le charme. Même si au niveau du design, il y a un truc qui fait que ça ne vieillit pas. Quoi. Tu joues sur ta GameCube, donc tu auras du. Voilà, sur Wind Waker, oui. Ouais, ouais. Mais il fallait être précis, c'est vrai que c'est comme je disais, pour moi c'est un Zelda, comme tu l'as dit, Toon, un Zelda de commande, un Zelda scolaire où on va te sortir les donjons, les trucs. Vous voulez un Zelda comme vous le voulez, et ben on va vous en faire un, puis Le voilà quoi. donjon de l'eau, enfin Voilà. ouais, c'est une ressucée de Ocarina of Time. Et par contre, moi je l'ai pas fini, j'ai dû faire je sais pas 50 heures, un truc comme ça. Et ça m'a un peu gonflé à la fin. Mais il m'a quand même foutu une sacrée claque au début, déjà dans les contrôles à la Wiimote, où bah, on dirigeait épée, on tirait à l'arc et tout. Ça c'était cool, ouais. C'était Ça assez c'était cool. cool, Et ouais. le design, il était quand même super classe avec Midna et tout. Moi, Ouais, j'avoue, je mais trouvais ouais, ça vraiment classe, quoi. visuellement, je trouvais très sympa, mais il y a un truc qui fait que j'ai pas Après, ouais, accroché, clairement, c'est dans les l'histoire. mécaniques. Ouais. Ben, c'est un Zelda. Enfin, c'est un, on va dire, c'est un Zelda. Ça résume à peu près tout, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que. On retrouve un peu les. On a les mêmes mécaniques que de la saga, quoi. Je veux dire, y a pas de grosse innovation, y a pas de. T'as l'ambiance, on va dire, comme tu disais, cette ambiance un peu plus noire, avec le petit personnage aussi qui se transforme. Bah, la transformation en loup-garou. Voilà, Oui. notamment. Non, en loup. En loup, oui, loup, oui, pas loup-garou. Donna. Mais c'est vrai Enfin, oui. qu'au-delà de ça, il n'y a pas eu énormément d'innovation. Il y avait un truc aussi qui m'avait marqué, moi, c'est une critique en fait que j'avais lue notamment sur le test de Zelda. C'est genre, ah ouais, mais moi j'ai pas envie de jouer debout devant ma télé, j'ai envie de jouer dans mon canapé assis, quoi. Ah, ça, Ouais. c'était une critique récurrente Bah, de de tout, la de Wiimote la et Wii, quoi, du. ouais. Ouais, Bien la sûr, Wii. mais dans le Zelda, tu as le fait que tu puisses donner des coups d'épée. Ah, finalement, le jeu vidéo, c'est fatigant, tu vois. T'avais des résumés sur le jeu qui étaient. Oui. Bah, rester assis à jouer avec une manette, ça peut être fatigant aussi à cause des ampoules, hein. Oui, ben c'est Mais des c'est surtout manettes. que enfin Zelda, comme tous les jeux, quasiment tous les jeux sortis sur Wii qui utilisent le motion, tu peux jouer affalé dans ton fauteuil ou dans ton canapé, il n'y a aucun souci, hein. Au Ouais, si vous voulez contraire, c'est vraiment. même plus simple avec la séparation Wiimote Nunchuk où tu peux foutre tes mains un peu n'importe comment et te mettre un peu dans la position que tu veux, quoi. C'est clair. Je pense qu'on a tout dit sur le Zelda. Oh Ouais, je oui. pense que oui. Ouais. Il y a aussi un autre jeu qui a fait son apparition donc en 2006 sur le lancement de la console. C'est un jeu qui a eu quand même pas mal de répercussions. Pour la suite, c'est le Rayman contre les lapins crétins qui a. Donc, c'est le premier épisode où on voit les lapins crétins. Et c'est Et l'épisode. on va plus arrêter de les voir. Ah Et non, on va arrêter justement. Et où on va arrêter de voir Rayman, puisque c'est l'épisode transitoire entre la série Rayman et la série des lapins crétins. bon, on peut dire que c'est à ce moment-là que les lapins crétins ont bouffé Rayman. Ah Tout bah, simplement. clairement. Clairement, et je me. Enfin, d'ailleurs, la première fois qu'on l'avait vu, ce jeu. C'était à l'époque c'était un vrai Rayman, un Rayman De plateforme. de plateforme Tout à fait. avec une vidéo de présentation de Michel Ancel à l'E3 où il parlait dans un très bon anglais Aussi bien il que celui parlait que du Yves quasiment ouais Guillemot? quasiment c'était à peu près du même C'est pas niveau bien de se moquer. et Ah, mais bah, comment? surtout que je suis pas forcément mieux Non, moi non plus, hein. Il avait fait une vidéo dans son studio, ouais, pardon, son studio à Montpellier, où il disait qu'il pouvait pas être là parce qu'il bossait sur le Rayman et tout. C'est là où on avait vu, il s'était fait attaquer par des lapins crétins et tout. Et c'était une des premières apparitions des lapins. Et à l'époque, c'était encore un jeu de Plateforme. plateforme. Plateforme, ouais. Non, ça a été montré en 2005 à l'époque où c'était un jeu de plateforme. Et Y avait petit à déjà petit, des en images? fait, Ou y avait il y pas avait des d'images? artworks où Ouais. notamment on voyait Rayman chevaucher une araignée géante. D'accord. Et se battre justement contre les lapins crétins qui étaient l'ennemi du jeu. Exactement. Et en fait, au fur et à mesure, en développant le jeu, ils sont appropriés les lapins. Ils ont beaucoup aimé les faire vivre, en fait. Et en plus, en découvrant au fur et à mesure les capacités de la Wiimote, puisqu'à la base c'était un jeu multiplateforme, en découvrant les capacités de la Wiimote, ils se sont dit, mais en fait, on s'éclate plus à faire des mini-jeux avec cette manette que de faire le jeu en lui-même. On part sur un party game avec que des jeux débiles, avec les lapins crétins. C'était très rigolo au Voilà. début, hein. Moi j'ai bien rigolé sur ce jeu. Mais Pour une soirée entre potes, c'est idéal, quoi. pour moi ça le terme est un peu fort, mais c'est un jeu qui a révolutionné le party game. Depuis, je trouve qu'on ne fait plus les party games de la même façon. Avant, c'était Mario Party, c'était des jeux de plateau, des jeux longs, etc. Et depuis les Lapins Crétins, c'est beaucoup plus convivial, je trouve, et plus dans l'accessibilité, dans la vitesse de jeu, etc. Ouais, Avec voilà. des jeux beaucoup plus courts. Enfin, ça, pour moi, ça a vraiment changé la façon de jouer à des mini-jeux de cette façon, quoi. Je vous conseille là-dessus de lire la biographie de Michel Ancel aux éditions Pixel Love, où t'as la partie où il parle évidemment du développement de Rayman contre les lapins crétins. Vous explique un peu, parce que là, évidemment, ils l'ont développé avec une console qui n'était pas encore terminée au niveau des capacités, des spécificités techniques. Et tu les voyais galérer parce que la console n'était pas du tout finie, même au niveau du design, où tu avais une partie qui se décollait, la manette ne savait pas trop comment la tenir. Et c'est assez, c'est vraiment très très intéressant au-delà du jeu, c'est de voir un peu le comment ça se passe, le développement sur une console qui n'est pas encore terminée, quoi. Exactement. Et au Clairement. final, ils avaient eu de très bonnes trouvailles pour certains mini-jeux et de l'utilisation de la Wiimote. Non, c'est très rigolo. Après, le problème, c'est que le problème, le revers de la médaille après, c'est que le jeu il a eu un immense succès et qu'on n'a pas pu parler de Rayman pendant assez longtemps. C'est ça le C'est problème, c'est que les lapins ont voilà. bouffé Rayman, quoi. Voilà, il a complètement occulté le personnage de Rayman. Et il faut voir aussi que les lapins crétins sont devenus des véritables mascottes pour Ubi. C'est-à-dire que. Ça doit être, avec Assassin's Creed, ça doit être la licence Va la plus chalet. juteuse actuellement. Oh Tout à oui. fait. Bah les peluches, hein, avec les petites peluches, lapins Bah, tout, crétins, les tout, il y a tout, statues, oui. Ça se vend encore, lapins crétins? les pubs pour Oui, Renault. bah je me demande si ça se vend pas plus en produits dérivés qu'en Ah, jeu maintenant. ouais, Je ça sais pas c'est. combien Maintenant, sont oui, les maintenant, ventes. c'est sûr. C'est sûr, parce que au niveau des jeux, maintenant, ça commence à s'essouffler. On le Bah, voit même ils font que. des pastiches, ils font genre un mix à lapin crétin coiffé comme Ezio. Oui, bah oui. Ouais. T'as plein de choses comme ça où ils Mais alors, mélangent ouais, le. il y avait eu toute cette campagne aussi avant la sortie du jeu où c'était. Il y avait des vidéos de 30 secondes qui paraissaient. Alors, il y en avait, c'était pour la Coupe du Monde. Il y en avait. Je me souviens d'une où c'était un lapin qui était déguisé en Sam Fisher de Splinter Cell Exact, et qui tout à était fait. sous un carton et qui essayait de rentrer dans la Games Convention, donc le salon de jeux vidéo allemand. Ils avaient fait ça pour au moment de la Gamescom, et c'était plein. Pour chaque petit événement, ils faisaient des petites vidéos comme ça. Et moi, enfin, je me souviens, j'étais mort de rire à chaque fois devant les vidéos. C'était tellement du gros n'importe quoi. Et donc maintenant, bientôt, il me semble que les lapins crétins vont devenir justement un dessin animé. Pas Oui, bah, de. y a déjà Pour la une télé. BD d'ailleurs. Il y a énormément de choses. Hein. Il y a Bah, le eu. merchandising marche à Ils plein sont flanc, de toute façon. apparus dans une pub pour Oui, Renault. tout à Ils fait. sont, ils ont fait. Enfin, voilà, on les voit partout. Ouais, vraiment partout, quoi. Bah, Il y a eu. c'est une licence qui s'est créée avec la Wii, quoi. Tout simplement. Exactement. Tout Voilà. simplement, ouais. Alors, je vous propose de quitter 2006 parce qu'on a classé les différents jeux, les principaux jeux par année de sortie. Donc, alors là, par contre, là, je vais laisser la parole à Tuntun parce que je ne connaissais pas du tout ce jeu avant qu'il ne m'en parle. C'est Eledise, hein, donc qui est sorti en 2007 au mois de mai. Donc, il y a eu quand même un creux, on va dire, entre la fin décembre et le printemps, quoi. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en Si, dire, Antoine? entre-temps, il y avait eu par exemple un WarioWare, il y avait eu quelques jeux, Il y avait eu Excite Truck aussi qui était rigolo, mais. et Excite Truck, ouais, qui était en concurrence à l'époque avec MotorStorm, et qui était pour moi largement mieux que MotorStorm, mais. Et voilà, donc il y avait quelques jeux qui étaient pas mauvais d'ailleurs, Excite Truck était très bon. Et jusqu'à donc il y a eu voilà, comme tu l'as dit, Eledise au mois de mai, Le 3 mai, donc Kiel et 10, c'est un jeu Konami. Et ça, enfin, ça cristallise un peu plein de petits jeux qui sont sortis durant cette première année. Qui étaient des petites tentatives d'éditeurs tiers de tester la Wiimote, etc. Et donc Kiel et 10, c'était un jeu où on était dans une maison et on pointait sa Wiimote dans le décor de la maison. Et on débusquait des petites créatures, ce qu'on appelle des LEDs, qui généraient de l'énergie, etc. Et donc, alors je ne sais plus exactement comment ça fonctionnait, mais pour les débusquer, il fallait créer des réactions en chaîne, des interactions entre les éléments du décor, etc. Avec la Wiimote. Et alors c'était tout bête comme principe. Il y avait un éditeur de niveau assez marrant. Enfin, je me souviens de certains niveaux avec des voitures et tout, des explosions dans tous les sens, des sortes de dominos géants, des trucs assez marrants. Et c'était dans ces premiers concepts-là où c'était des petits jeux sans prétention qui lançaient une nouvelle idée de l'utilisation de la Wiimote, etc. Et donc, LEDs était un de ces jeux-là, un petit jeu sympathique qui valait vraiment pas ses 50 euros, mais qui pour 10 euros maintenant, trouvable facilement, je pense, fait son affaire. Il y en a d'autres qui ont joué à ce jeu ou qui en avaient entendu parler auparavant? J'en ai un petit peu entendu parler, mais pas plus. D'accord. C'était très confidentiel. Hein, c'est... Oui, non, mais ouais. Je vous propose, alors, c'est du coup 2007, hein, parce qu'on n'a pas parlé avant, parce qu'on a parlé de Zelda, mais c'est le retour, hein, bah, l'arrivée de Mario sur la nouvelle console de salon de Nintendo, donc la Wii, avec mm-hmm. deux jeux, donc trois jeux même. La même année, ouais. Donc les trois jeux la même année, donc on a eu Mario Striker, chargé de football, Super Paper Mario au mois de septembre, et évidemment le Super Mario Galaxy You Are Mr. Gay qui est sorti à la fin de l'année. You Are Mr. Gay, pour l'anecdote, c'est parce qu'en fait quelqu'un s'était rendu compte, je crois que c'était sur NeoGAF, ouais, que en fait le nom, quand on voit la jaquette de Super Mario Galaxy, sur certaines lettres était apposée une étoile. Il y avait une étoile brillante qui brillait justement à côté. Et donc ça donnait, quand on prenait les lettres séparément et qu'on les remettait les unes à côté des autres, ça donnait la fameuse expression « You are Mr. Gay ». Donc c'est... Ça m'a bien fait rigoler. Hein. Beaucoup de monde s'est marré sur cette phrase cachée. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ces différents jeux? Est-ce que vous avez testé, bah, déjà Super Mario Galaxy, je pense que... Oui, bon je l'avais aussi, je l'avais, Toon a dû l'avoir sûrement. C'est, moi je l'avais, en plus je l'avais testé, parce que j'avais fait le Micromania Game Show avant la sortie, en fait. Et qui était ça ne rajeunit pas. Le jeu était... Le jeu était annoncé depuis 2006 quand même. Bah, depuis le Wii, à la base, hein, ça devait être un jeu à peu près de la fenêtre de lancement. Ouais. Et puis il avait été repoussé plusieurs fois jusqu'à sortir un an après la console. Tout simplement. Le week-end de la sortie d'Assassin's Creed, je me souviens. Le 16 novembre, je crois. Et moi je l'avais testé un peu avant. Et déjà graphiquement, c'était le benchmark de la Wii, en fait. C'était oui, bah oui, la Wii GameCube. Je commence non, mais c'est vrai qu'au niveau des capacités, c'était très très proche. Il y avait eu juste une upgrade et une légère optimisation des composants de la GameCube. Mais donc oui, Mario Galaxy, c'était une très grosse la première impression qu'on a eue, c'était que c'était une très grosse claque graphique pour de la Wii, comme comme on l'a souvent dit, pour de la Wii. Voilà. La fameuse expression. Mais c'est clair que, enfin, les effets de lave, les effets de flotte, enfin, il y avait de très bonnes choses dessus. Même dans l'espace, simplement, le fait d'être dans l'espace, la surveillance des planètes. Oui, c'était. Il y a aussi le fait que ce Super Mario Galaxy s'affranchissait en fait des longs niveaux sur Terre, tout ça, pour nous transporter en fait dans plein de petits systèmes. Et c'est un côté qui avait son charme. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une idée sur une galaxie, hop, on en passait à une autre, il y avait une autre idée. C'est... C'était super. Oui, voilà, chaque planète avait son atmosphère, Exactement. avait son décor à lui et son défi à lui à faire, quoi. Donc c'était ça aussi qui donnait l'intérêt à Super Mario Galaxy. Et puis bah, la gestion de la gravité, selon la taille de la planète, la gravité n'est pas la même, etc. Voilà. Enfin, il y avait énormément de choses, c'était bourré Non, d'idées, le jeu c'était était le super Mario long. 64 de la Wii, quoi. Ouais, C'est un peu ça, ouais. clairement, bah, Tout à fait, hein. bah voilà, c'est un benchmark, quoi. C'est Et les musiques aussi, je me souviens des musiques, ouais. Et puis Arrête, Chino. la petite histoire, Attends, mais enfin, j'adorais ça, les musiques il y avait orchestrales, quoi. le hub, un peu comme le château dans Mario 64, Ouais. avec le vaisseau d'Harmonie. Enfin, c'était pas vraiment un vaisseau, c'était un truc bizarre. Plus ce que c'était exactement, mais c'était une petite planète. Oui, c'était ça, c'était une planète. Donc Harmonie, nouveau personnage d'ailleurs créé pour l'occasion. Et avec toute une histoire, enfin une petite histoire légère, mais qui était très très bien racontée, et qui était très sympa. Et c'était un changement notable dans les Mario. C'était cette histoire aussi, qui était assez neuve, quoi. Et tu ne pouvais pas tomber, genre tu sautais dans le vide et bah hop, il te ramenait après sur le, Ouais. il te ramenait sur la terre ferme. Mmh. C'était vraiment vraiment Il y une avait des atmosphère, bruitages et tout. Ouais, une c'était. Le jeu, il atmosphère était. spéciale, mais très Et très intéressante. il est fantastique, ce Ouais. jeu. Super Paper Mario, sachant qu'il y a il y a le nouveau Super Paper Mario qui va sortir dans très Qui peu de est ce temps qui sur paraît très bien. 3DS. On C'est n'a vrai, pas ils eu disent encore des ça, ouais. tests, mais les premiers échos sont très très Il y a positifs. eu des tests. Ça y est? Gameblog a fait son test là C'est il le y a 2 jours. 4 sur 5, exact. Mais il me Il y a semble que les. les boules à pois de Gamekult en parlaient sur Twitter. Et même si le test n'est pas sorti, il en parle comme d'un jeu très très très très bon. Donc Alors, ouais, c'est tout, les premiers retours sont excellents. pour revenir à l'épisode Wii, moi personnellement en fait. Donc je n'y ai pas joué, mais je voyais des photos dans les magazines. Et Ça existait encore à l'époque? toujours, ouais, bien sûr. Et il y avait quelque chose qui m'avait fait, que j'avais trouvé vraiment génial, c'est le fait que à certains moments, en fait, donc tu avais la vue, on va dire, normale d'un Mario, d'un jeu de Mario plateforme, Ouais. et que à certains moments, la caméra, elle se passait juste derrière Mario, donc tu voyais un peu l'envers du Oui. décor. Hein. Et ça, je trouvais ça C'était, tellement, ouais. tellement génial comme Ça idée. En fait, utilisait tu changeais de totalement le côté dimension. papier. Exactement. Et alors, ce qui est à noter quand même, et d'ailleurs le changement dans le nom est important, c'est que les Mario, les Paper Mario, ça a commencé sur 64 avec Paper Mario 64. Après, il y a eu Paper Mario sur GameCube, c'était la porte millénaire. Et c'était des jeux très, enfin, très orientés RPG. RPG. Ouais. Et là, ce Super Paper Mario est beaucoup beaucoup plus orienté plateforme, d'où le super dans le nom qui était là pour rappeler bah, Super Mario Bros, jeu de plateforme, etc. Pour faire un petit exemple, par exemple, les combats, il n'y avait plus l'interruption, on sautait sur les ennemis, il y avait les dégâts qui s'affichaient, et puis voilà quoi. Comme Alors un jeu de qu'avant, dans les plateforme, Paper quoi. Mario, il y avait C'était une petite interruption et c'était les un combat dérivés type de. RPG. C'est du tour par C'était tour. dérivé Voilà. de Super Mario RPG en fait, c'était la formule qui était dérivée de ce Tout à jeu-là. fait. Qui Ouais. était Super Mario RPG qui était fait par Square à l'époque. Squaresoft, ouais. Sur SNES. Voilà. C'est ça. Et apparemment, le nouveau sur 3DS reprend le tour par tour, de ce que j'ai Oui. vu. Oui, avec un nouveau système de stickers, Ah, ce Voilà. qui me fait des pour le sortes coup, d'accessoires. qui me fait un peu peur, hein, je trouve. Ouais, c'est. Enfin, moi je t'en avais parlé, Romain. Oui, il me tente pas parce que je le trouve très lent. Au niveau du rythme des combats. Ouais. Et c'est notamment plombé par le système de stickers. Donc à voir, hein, mais. Et Super Paper Mario, ce qui était impressionnant. Enfin, pour l'époque, ce qui en faisait aussi un grand jeu, c'est que c'était une totale parodie de. Enfin, c'était ultra référentiel, en fait. Dans les dialogues, il y avait énormément de références dans Le les boss du monde décors, 3, etc. rappelle-toi. Le boss du monde C'était. 3 de Super Ouais. Paper Mario. Qui était en fait. On va spoiler maintenant, il y a prescription, mais. Qui était en fait un jeu de drague. En fait, on battait le boss par rapport aux propositions qu'on avait, style jeu de drague. C'était un lézard geek en fait, si je me souviens bien. D'accord, c'est bon, Ah ça non, va, mais parce que moi c'était j'ai pas délire, hein. joué. C'est-à-dire que il me semble qu'on jouait la princesse non, en plus à ce moment-là. Oui, je crois. Et en fait, la Parce qu'on princesse pouvait rencontre. jouer différents personnages, dont Voilà. Bowser. Et la princesse se faisait emprisonner. Et il me semble que dans ce niveau-là, la princesse rencontrait une sorte de lézard geek. Et en fait, l'affrontement se faisait façon jeu de drague japonais. Donc on avait des propositions. Et selon nos propositions, bah on battait le boss peu à peu, quoi. Et Ouais. c'était très fun. Et C'était généralement, de toute façon, on y. très très intelligent Voilà. et on peut faire le parallèle dans l'écriture à Kid Icarus qui est sorti sur 3DS. Qui dit qu'il y a le surprising? Voilà, oui, qui dit Dans l'écriture, Uprising. c'est très très proche, c'est très très référentiel. Il y a beaucoup de c'est en fait c'est une sorte de pastiche quoi, c'est beaucoup de blagues un peu potaches. Il faut aussi rappeler que l'univers Paper Mario est très très différent du Mario, Oui. des Oui. Mario, canoniques, si j'ose dire. C'est-à-dire que dans Paper Mario, par exemple, il y a des moments où Bowser est ami, enfin, s'allie à Mario. Pour faire un petit peu, voilà, pour bien expliquer tout ça. Très bien. Je crois Si que... on Ouais. peut parler aussi rapidement de Mario Strikers, Voilà, justement, qui est un j'allais bon petit venir. shoot arcade. Qui est Je crois qu'Antoine, tu as passé 200 heures dessus, c'est ça? Ouais, je crois que j'ai fait 260 heures, un truc comme ça. C'est un jeu, en fait, j'ai surtout joué avec des potes, en coop ou en compétitif. C'est un vrai jeu multi pour le coup, quoi. C'est un vrai jeu multi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Next Level Game qui a fait le jeu. Next Level Game, c'est un studio canadien qu'on retrouvera après. Ils ont fait le Punch-Out sur Wii, notamment. Et ils avaient déjà développé le Mario Football sur Sur Mario Smash GameCube. Football sur GameCube. Et ils avaient avant développé sur GameCube, et c'est là où Nintendo les a repérés et leur a demandé de faire le Mario Smash. Ils avaient développé Sega Soccer Slam, qui était un très très très bon jeu de foot arcade Je avec m'en souviens, ouais. des frappes boules de feu, etc. Et ils ont repris le concept pour Mario Strikers. Et alors le Mario Striker, c'est vraiment excellent. C'est du 5 contre 5, non 4 contre 4, pardon, Ouais. avec trois personnages génériques, donc Skullerex, je sais plus Il y a qui, Palito normalement. il y a les Toads, il y a Skullrex, les Koopas. les Koopas, qui c'est qu'il y a d'autres? Enfin, il y Les a plein de Shagai. piranhas. Non, ça c'est un C'était pas dedans les capitaine. Shagai? Les Je sais Maskas plus. plutôt, les Maskas, pardon. Les Mascas, ouais, Bah c'est les ouais. Maskas. Là, Donc Shagai, c'est les noms qu'ils avaient c'était avant. vraiment des personnages ultra génériques et en fait ce qui faisait le sel de l'équipe c'était le capitaine, donc qui était Mario, Luigi, Donkey, Wario, Didi, plein de piranhas, etc. Et qui avait chacun des frappes spéciales. Enfin, il Ah, y les avait fameuses tout frappes un spéciales. gameplay qui était vraiment très très bien foutu et super équilibré. Et qui en faisait un très très bon, très très bon jeu de foot arcade. Malheureusement, un peu plombé par le manque de mode de jeu, puisqu'il n'y avait que quelques championnats. Si, alors par contre, la difficulté était très élevée. Et voilà, ça manquait un peu de mode de jeu. Par contre, c'est à noter le premier jeu Vrai jeu jouable online. online sur la Wii. Avec, enfin, ça marchait plutôt pas Ça mal. marchait bien. Ça marchait bien, je trouve. Ça marchait plutôt pas mal, même si, Bah forcément, moi, les serveurs au début. j'ai eu quelques lags des fois, mais Oui, franchement, ça dépend sur qui tu tombais. il y avait C'était des surtout lags au niveau vraiment des, sur Wii, au quoi. moment des frappes du gardien, en fait, Non, mais sur c'était le plus gardien. chiant. C'était les équipes 4 Skedrex. Ah non, c'était les mince, comment ça s'appelle? Avec leur marteau là. Ah les frères marteaux, ah oui Les ceux-là frères aussi marteau. t'es bien chiant. Ils Mais avaient une l'équipe esquive Skedrex, en fait c'est-à-dire que qui te t'avais. balance un marteau dans la tronche et ça Oh oui t'assomme ça. pendant je sais pas combien de temps. Mais C'était non horrible. non mais le pire aussi c'était les Skedrex avec leur système de téléportation. Ouais. Tous les joueurs, allez, téléportation, on va dans le but. Mais non, c'est enfin moi j'y ai énormément joué, c'est un excellent jeu C'était de un bon foot jeu de arcade. foot d'arcade. Et voilà, et juste pour parler, parce que t'as et demandé qu'on en parle avant, Romain. Pour le online, il y avait. On peut faire une petite aparté là-dessus. Il y avait les codes amis. Les fameux codes amis. Les fameux. Oui. Ceux qui nous ont fait tant rêver. Génial. Qui était une suite de 16 chiffres. Je crois. Ouais, c'était ça. Les codes amis 3DS sont un peu dans la même veine aussi. Hein. Non, mais alors, c'est différent. Il faut faire une précision très importante au niveau des codes amis Wii. Par rapport aux codes amis 3DS. Les codes amis Wii. Ah non, mais il faut faire une petite précision quand même. Oui, voilà. Les codes amis Wii, il y avait un code ami pour la Wii et par un code ami pour chaque jeu. Oh, et ça, c'est très important. Et ça, c'est une horreur. Ça a été une horreur. Parce qu'en plus, il faut que toi, tu rentres le code ami de celui que tu veux rentrer, veux ajouter. Mais il faut que lui aussi ajoute ton code ami à toi. Sinon, tu ne deviens pas ami. Oui, c'est la même chose sur 3DS, c'est-à-dire que on pourrait penser que quand tu rentres le code ami, t'as une notification qui dit hey, je veux devenir ami avec toi. Ça non. Et ben non, ça n'existe pas en fait. Mais heureusement, ils ont pensé en fait, là pour la Wii, ils l'ont changé et maintenant c'est des requêtes. Tu as au moins une notification, ce qui est une révolution. Voilà. Mais ce qui est important aussi à dire, c'est que sur 3DS, tu as peut-être un code ami à mettre, mais le code ami, il est pour la console, voilà, et quand tu définitive. Veux y jouer, il est voilà, c'est il t'as est, pas il, t'as plus besoin de noter. Il est à Wii quoi. Je ne rebondirai pas là-dessus. Monsieur. Et pour rappel aussi, parce que la Wii c'était ça aussi, c'était le code ami de la console, comme tu le disais. Ouais. Ça permettait quand même d'envoyer des mails. Ouais. la révolution à l'époque. Hein, comme quoi la console, le nom de code de la console portait très bien son nom quoi, la révolution tu vois. Non mais tu vois c'était des trucs où ils avaient quand même réfléchi à certaines choses et tout ils ont regardé Hotmail hein. Ils voulaient innover, ils voulaient proposer de nouvelles choses. Le problème c'est que dans l'exécution c'était totalement foiré quoi. Ben on sait très bien que Nintendo et le online ils ont toujours 3 temps de retard. Ben, ça a toujours été ça. Plus maintenant et encore sur Wii ils ont mis le pire, ils ont pas mis Netscape quoi. Ah oh, oui. Mais le navigateur Opera, c'était vraiment de la merde. Ah ouais, je l'ai suffisamment pratiqué pour te dire que c'était bien, bien nul quand même. Bah déjà, c'était payant, donc moi, ça... Non, au départ, il était gratuit. Moi, je l'ai eu gratuit. Il me semble qu'il était gratuit au départ. En fait, les 6 premiers mois, il était gratuit. Après, quand on le prenait après, c'était genre 5€, un truc comme ça. Enfin, de l'arnaque, quoi. Normal, quoi, pour un navigateur Internet. Voilà. Eh ouais, attends. Je vous propose de revenir après cette digression fort bienvenue sur 3 derniers jeux qui sont sortis. On va passer assez rapidement en 2007. 3 jeux importants, évidemment, il y en a eu bien d'autres à sortir cette année-là sur la console de Nintendo. Alors, il y a d'abord Resident Evil 4 Wii Edition, donc la meilleure version. Comment la meilleure version de très loin, que c'est la version la plus belle graphiquement. Ouais. Sans compter le remake HD qui est sorti récemment, mais c'est la version GameCube, donc un petit peu légèrement retravaillé graphiquement. Les missions Ada Wong sur de la version PS2 et surtout le contrôle à la Wiimote qui change complètement le jeu et qui prend tout son intérêt ici. Très bien, donc voilà. Rien d'autre à rajouter, j'ai envie de dire. Rien d'autre à rajouter, oui, je pense. Pareil, Trauma Center, hein. ça parle à quelques-uns d'entre vous ou pas? J'ai jamais joué, mais voyant un petit peu l'expérience, voyant un petit peu le jeu original sur DS, on peut se dire quand même que son arrivée sur Wii était quand même très évidente. Oui, bah clairement. Mm. Mais Trauma Center, c'est un jeu Atlus. Oui. Et donc, c'est un jeu ultra dur. Ouais, j'en ai chié moi sur DS. C'est une horreur. Alors je l'ai pas fait sur Wii, mais sur DS, j'en ai tellement chié que je me dis que à la Wiimote, je tenterai jamais le passage sur Wii quoi. Ouais. Mais il me semble que c'était bon super jeu, bien foutu, il me semble. Ouais. Il était bien foutu au niveau des contrôles. C'était une simulation de chirurgien, sauce manga, c'est-à-dire des. Avec un peu genre Phoenix Wright. Avec des trucs un peu dans tous les sens, assez barrés. Voilà. Et alors, on va terminer pour cette année 2007 avec Metroid Prime 3 Corruption, donc la suite Et la conclusion. et la Et la conclusion donc conclusion. des deux premiers Metroid qui étaient sortis, des deux premiers Metroid Prime, pardon, jeux développés par Bah, de la saga Retro Metroid Studio. Prime, tout simplement. Donc, sortis sur GameCube, mais qui ont également connu une réédition sur Wii Sur avec Wii la avec Metroid Prime Trilogy. trilogie. Absolument. Et une superbe édition d'ailleurs. Voilà. Et avec les contrôles de la ver du Metroid Prime 3 Adapté aux deux adaptés premiers. au premier et au deuxième. Alors, plus que de parler de Metroid Prime 3, autant parler de Metroid Prime Trilogy si vous voulez. Parce que. Bah, ça Oui, pourquoi pas. englobait toute la trilogie de toute Qui façon. lui est Oui. sorti en 2009, hein, 2 ans plus tard, 2 ans après Voilà. le Metroid Prime Corruption. Donc vous y avez. Moi personnellement j'ai souvenir de la version GameCube qui était déjà à l'époque très très très très immersive. Donc Mmh. Ouais. J'ai jamais été très fan de Metroid, donc du coup, je suis complètement passé à côté. Et moi, j'ai fait le 3, J'ai fait qui le était 2. très bon. Mais ouais, c'était bah déjà graphiquement c'était très bon. Et le 3, alors moi je l'ai pas encore fait, j'ai le trilogie m'attend, mais je sais pas ce que tu peux en dire, mais apparemment les contrôles étaient vraiment très adaptés quoi. J'ai fait le. Oui, c'était vraiment très très adapté. Ça a été vraiment pensé que pour la Wii de toute façon. Mais quelque part ça montrait qu'on pouvait. Enfin bon, vous allez me dire c'est pas un FPS, c'est un FPA machin. Mais Oui, c'est un shooter. ça montrait quelque part les FPS sur Wii c'était possible, même si on fait de la merde. Mais finalement. Mais Ouais, il y a on eu peut des bonnes saluer pour choses. ce. On peut saluer pour ça quand même le studio Retro Studio qui a fait quand même un très très bel effort pour ces Ah bah Metroid. ouais, qui est. Et c'est comme ça qu'ils ont acquis un petit peu ce statut Bah, de toute particulier avec façon, oui. Nintendo. De toute façon, là, enfin, depuis Metroid Prime, Retro Studio, c'est le rare des années 2000 Nintendo, c'est de ça, ouais. Nintendo, De quoi. Nintendo, ouais. Et je me souviens notamment comme feature qu'ils avaient introduit pour le 3, il y avait ce fouet qui se faisait au nunchuk, je crois. Ah, t'aimes ça le fouet, Mais non, hein. c'était. Alors par contre, ça, moi, je sais pas. J'avais l'impression que ça avait été ajouté un peu pour dire, ouais, on fait quelque chose du nunchuk, mais au final, ça avait peut-être pas grand intérêt. Bah écoute, je sais que ça avait de l'intérêt pour quelques actions, mais bon, pas plus. Enfin, c'était beaucoup le contrôle, Wiimote, Nunchuk qui était très bien. Ouais, C'est-à-dire que bah l'ensemble est super bien pensé. la visée à la Wiimote, etc. Bah, ce qui Ouais. prouve que quand tu exploites bien la Wiimote pour ce qu'elle est, et si tu exploites bien ses spécificités, tu peux faire un très bon jeu, quoi. Oui, bah Sans que ça parte en cacahuète. en termes de FPS, enfin la Wiimote, c'est très bien. Moi, j'ai fait des FPS sur Mais la je sais que tu es le Wii. seul fan français de The Conduit. Non, je suis pas fan du tout, mais je suis pas fan du tout. Le jeu est merdique, clairement. On Non, ça me lance dur ce soir. Hein. non, mais le jeu est merdique, clairement. Le level design, il est horrible. Le design est à Edwaldej, vomir. bonjour. Le seul truc qu'ils ont réussi dans le jeu, c'est les contrôles. Les contrôles étaient totalement paramétrables et c'était juste. Ça rendait presque le jeu agréable à faire, puisque c'était vraiment. Qu'on attendait d'un FPS, enfin de contrôle FPS à la Wiimote. C'est Après, donc tout le pour ça que reste tu as du pris The jeu, Conduit 2. non, je l'ai pas pris, Oh, zut. et je le prendrai pas. Oh Mais non. c'était vraiment. Et Putain, je je croyais que me t'avais souviens tous les aussi jeux de. Wii, quoi. Comment? Je croyais que t'avais tous les jeux Wii, quoi. Tu me déçois. Ouais, non, Non, tu me bah déçois, non. hein. Moi aussi, hein. Non. Je suis Par illégitime pour ce contre, podcast, alors. j'avais fait Medal of Honor Heroes 2. Ouais, Qui était qui était plutôt pas mal à ce qui paraît, pas ce jeu. mal parce que bah, c'était bon, Pensé aussi pour la c'était Wii. un MOH, c'était un Ouais. MOH de l'époque, c'est-à-dire plutôt correct dans le level design et tout. Ça commençait un peu à tourner en rond, mais c'était encore jouable. Et il me semble qu'ils avaient fait quelque chose de pas mal avec la Et Wiimote, hein. avec la Wiimote, c'était très sympa. Et le multi à 4, j'ai beaucoup joué avec des potes en local et ça me rappelait. Ça me rappelait dans l'esprit GoldenEye et du coup ça me plaisait bien. Parfait. Voilà une belle année 2007 qui se termine sur ces observations. Je vous propose donc ben, une première année, on va dire 2007, où finalement donc, on a vu les premiers jeux Mario arriver sur la Wii. Des jeux dans l'ensemble très corrects, voire excellents. d'autres jeux, on va dire, qui ont essayé de prendre en main le gameplay, de mettre en place un gameplay propre à la propre au contrôle qu'on proposait à la Wii, donc avec le Nunchuk et la télécommande. Donc voilà, une belle entrée en matière, on va dire, pour cette première année d'existence de la console. Alors 2008, on a quand même beaucoup plus de jeux, on a listé un peu plus de jeux même que l'année précédente. Alors on retrouve du Mario, donc notamment l'inaltérable Mario Kart Wii, donc la licence Mario Kart donc sur Wii qui est Pour à moi, lui. ça a été le second Big Bang de la console en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un Ouais. premier, il y a eu un premier gros lancement, c'est-à-dire avec le lancement de la console, et le second Big Bang que je genre le voilà le, la seconde secousse au niveau des ventes, ça a été au moment de la sortie du combo, parce qu'il faut, à mon avis, il faut pas les dissocier parce qu'ils sont sortis quasiment en même temps, à quelques semaines près. C'est Mario Kart Wii, Wii Shit. Ouais, clairement. Ça a été le second Big Bang, et là, ça a donné une seconde C'est ce poussée qui des a ventes. lancé définitivement la Wii. Oui, carrément. Ouais, c'est clair que bah, je prends. Justement, je parlais aussi. On a d'abord parlé un peu de Mario Kart, après on va parler de Wii Fit. Parce que, alors, moi, personnellement, Mario Kart, il m'a. Sur le coup, il m'a vraiment bien emballé. Parce que, bon, forcément, c'était un nouveau Mario Kart. Donc, on attend toujours les nouveaux Bah c'est Mario circuits, les Kart nouveaux quoi. personnages. Après, je t'avouerai que ce qui m'a déçu, c'est la jouabilité qui est. Qui est injouable au volant. Bah ils ont misé énormément sur ça Non? aussi hein. Ah, Ils ont j'ai vraiment beaucoup de mal. Je trouve, alors, sans aller jusqu'à dire que c'est injouable, que ça manque de précision par rapport à la jouabilité Ah oui, Nunchuk ouais. télécommande. Clairement, Bah ça manque de précision. ils ont sacrifié la précision pour le fun quoi. Enfin Et pour le fun. alors, ils ont fait, et là, beaucoup de monde a gueulé là-dessus. En fait, c'est qu'ils ont fait deux modes de conduite, c'est-à-dire, ils ont fait une version, comment dire, un mode de conduite pro, c'est-à-dire avec les dérapages, etc. La gestion des dérapages comme on connaissait sur le GameCube, puisque c'était non, c'était pareil que l'épisode DS, le système de dérapage. Tout à fait. Mais ensuite, c'était pour les joueurs, notamment au volant, c'est pour ça qu'ils l'ont ajouté. C'était sans dérapage, ça tournait plus facilement en fait que si tu jouais en mode pro, en mode expert. Alors, faut pas oublier non plus l'arnaque du bout de plastique à 10 € quand même. Ah, Ah, mais ça Le c'était quand même un truc volant, de malade, hein. C'est sans grand ça. déconner En quoi. même Genre. temps, qui l'achète séparément, quoi. T'achètes Mario Kart, tu l'as, t'es content, tu le mets au Non, oui. placard et puis c'est bon. Oui, bien sûr, non, Bah, mais genre, je c'est suis un sûr que. jouet, quoi. C'est bien pour les enfants, mais après, bon, pour. 10 € ouais, c'est abusé. Non, mais c'était vraiment pour. C'était vraiment l'argument pour la famille. Enfin, pour la famille. C'est-à-dire qu'il y a eu T'as la vu? pub et ils ont poussé ça dans la pub à fond avec le volant. Ah, oh, regardez, c'est drôle! Oh, on peut tourner le Bah, volant et puis ça voilà! contribue aussi à ce que Nintendo a voulu faire de la Wii, c'est-à-dire une console qui est accessible à tout le monde, tu vois. Je veux dire, tu prenais le jeu dans Wii Sports, le jeu de tennis, bah voilà, tu mimais le fait de taper un coup. Là, c'est pareil, tu vois, dans Mario Kart, t'appuies sur un bouton pour accélérer, tu sais bien que dans un Mario Kart, tu n'as pas besoin de freiner. Donc, tu retrouvais le volant qui te permettait Oui, c'est d'avoir des clair. premières sensations, des sensations très rapides sur le jeu. C'est clair. Dans le jeu, qu'est-ce qui vous avait marqué, vous? C'était quoi? C'était certains circuits, certaines spécificités du Ouais, jeu? alors il y a les circuits, moi Très je peu, les. oui. La colline champignon. Certains, ouais, Les y a camps certains champignons plutôt. circuits qui sont vraiment très très bons. J'ai beaucoup aimé les chutes Koopa. Ah oui, les Il chutes y, Koopa, oui, y effectivement, avait ouais. Je me bah, la rappelle. Rainbow Road était vraiment sympa aussi. Alors, je me souviens plus de Rainbow Road. Comment est-ce que c'est. Je me souviens de Elle la était version GameCube. très très nivelée en fait. Ouais. Assez longue. Enfin, une Rainbow Road quoi. Oui, voilà, Sans oui. bord, Une torture. tu crèves au moindre Une écart. torture mentale. Ah oui, non, mais c'est ça, le Rainbow Road, c'est faut pas Voilà. rester dans les bords, faut savoir Le conduire un petit peu. cauchemar. Un Voilà, cauchemar. je fais une petite aparté, mais la vraie Rainbow Road, c'est la première, quoi. Oui, Parce oui, oui. Non, mais c'est que clair. Ah oui. sans bord sur rien, alors le circuit en lui-même n'est pas compliqué, mais Oh, t'es il est long tellement. surtout, il est Tu très très long. Faut pars. comprendre qu'il est très très long pour un circuit de Mario Kart. Avec Déjà énormément ça. ouais, c'est Énormément clair. d'obstacles aussi sur le circuit en plus des adversaires. Ah. C'est aussi Mario Kart, du coup, c'est un jeu online Ouais. qui Avec était une chaîne dédiée dédié. Ah oui, c'était online beau. de la Une Wii. dernière partie. Moi, j'y ai très peu joué parce que je trouvais le online mal foutu. Les batailles, Ah, enfin, c'était pas poussé, quoi. si tu voulais jouer avec un ami, tu pouvais pas jouer avec d'autres. Enfin, Ah oui, ça, oui. fallait se retrouver par hasard dans la même course, mais sinon, si t'invitais un pote, bah, tu pouvais faire que à deux, ou avec d'autres potes, mais voilà, Et c'était puis pas Mario des Kart, parties publiques. ça se joue à la maison à 4, quoi, tu vois. C'est ça. C'est comme Moi aussi, bah eu un petit ouais, peu, ouais. clairement, moi c'est comme ça que j'ai beaucoup aimé le jeu, c'est que à l'époque au boulot le midi on jouait à ça pendant 1 heure tous les midis et c'est on se fendait la gueule. Enfin, voilà, ça reste un Mario Kart quoi, on Voilà, oui, non, s'insulte, mais si on ça se se joue balance comme des ça, oui. carapaces à la J'ai tronche. l'impression, quand je lis les retours des joueurs, que celui-là, il a quand même un petit peu plus déçu que les autres. Hein. Enfin, Il y a un petit peu plus, effectivement. personnellement, j'ai pas beaucoup joué parce que bon, oui, Pourtant, paradoxalement, le Mario Kart DS a été considéré comme l'un des meilleurs, hein, Ouais, si je me souviens bien. le DS était très très bon. Voilà. Et je pense qu'il y a eu d'énormes attentes pour le Mario Kart Wii, puis finalement. Bah, Moi, je j'ai l'ai trouvé, trouvé moi. excellent. En fait, je trouve que c'est le meilleur Mario Kart sur console de Et. salon. Parce que, enfin, sans compter le SNES qui est vraiment à part et qui est, lui, dans un monde totalement différent et qui est juste monstrueux de somme NES. Bah, le Il est SNES, c'est le énorme ce seul jeu. qui joue sur le skill du conducteur aussi, hein. Non, c'est pas le seul. Le Mario Kart Vous préférez Wii Ah, bah, y a pas la joue carapace bleue, beaucoup. hein. Le Mario Kart Wii joue beaucoup sur le skill du joueur aussi. Mais c'est différent. Le Mario Kart, Super Mario Kart, c'était totalement dingue. Enfin, quand tu vois les super plays du Mario Kart SNES. Oui. C'est hallucinant, c'est Ça. des trucs au pixel près, il y a des techniques de dingue et tout. C'est un jeu d'une profondeur hallucinante, quoi. Mais le Mario Kart Wii est très très bon, moi je trouve, là où l'épisode GameCube pêchait, dans la physique des véhicules et dans la En même temps, conduite en général. le concept du Mario GameCube était un peu foireux, je trouve. Ah non, Le alors, double moi dash. j'adorais. Tellement pas d'accord avec toi. Mais Ah! ouais, Joue le alors un Mario Kart conseil, GameCube, tu il est. prends une GameCube, trois potes, tu joues à Baby Park, Baby Park. et là tu. Ah, mais ça oui, mais Baby Park en même temps, Tu passes. Mais non, mais il c'est y le en truc avait. universel, quoi. Alors là-dessus, le Mario Kart GameCube est juste. C'est le Mario Kart avec les meilleurs circuits jamais réalisés. Bon, c'est. La montagne Donkey, Moi, c'est la le mine concept qui Wario. m'a. Je sais pas accroché, si tu veux, au Mario Kart Après, GameCube. Perso, voilà. mon préféré ever, c'est 64, mais. Ça doit être parce que c'est celui que j'ai le plus passé le temps, Ah, donc en fait, t'as vraiment pas de goût, quoi, Guillaume. Mais c'est clair. Ouais, alors, Ah ouais, non, Mario Kart 64 est génial. ce qu'il faut faire, c'est écouter notre podcast sur Oui, c'est vrai que tu es le goût Mario Kart. universel, Toon Oui. Non, Ça mais oui, c'est vrai. on a fait un podcast sur Mario Kart et voilà, on explique pourquoi le Mario 64 est le moins bon. Bah, Ah, il a désolé, juste pas de mais. goût, Guillaume, c'est tout. Oh, je crois qu'on digresse un peu du sujet Ouais. initial. Un petit Ouais, légèrement. peu. Non. Non, mais voilà, pour finir. Enfin. Ça reste un bon jeu malgré tout, quoi. Voilà. Oui, Pour moi, c'est un ça bon jeu, reste un hein. très très Un bon bon Mario Ma un Kart. Mario Kart est toujours un bon jeu, Pour moi, hein. ça reste un très très bon Mario Kart. Ce qui a déçu beaucoup de gens et ce qui fait qu'il a été beaucoup critiqué, c'est que en solo notamment, il y a le caractère aléatoire de la carapace Ah bleue qui est horrible, qui est ouais. vraiment frustrant. Voilà, on se retrouve dernier, on balance une carapace bleue, un éclair, après on récupère une carapace bleue, on la balance et hop, on est premier. En même temps, j'ai envie de dire, c'est le multi de Mario C'est Kart, quoi. le concept, C'est le mais concept. sur les derniers épisodes, c'est devenu n'importe quoi. Et c'est clair qu'en solo, c'est Ah, en vraiment solo, oui, bon, abominable. là, ouais. Mais alors, en multi local, quand t'as suffisamment de skill, le meilleur, il gagne toujours, qu'il y ait carapace bleue ou pas. Si ça se tire la bourre et tout, c'est clair que ça peut. Enfin, si tout le monde est à peu près du même niveau, ça se finit généralement. Avec une bonne carapace bien placée, etc. Mais quand on a un certain niveau et que tout le monde a un certain niveau, ça se joue pas du tout à ça et c'est beaucoup plus technique que ce qu'on veut bien laisser croire. Mais moi j'attends beaucoup d'un Mario Kart Wii U maintenant avec le online qui a été remanié et donc qui est beaucoup plus accessible et avec les graphismes de maintenant, on va voir ce que ça va donner. parce que ça peut donner quelque chose de pas mal. Ça peut être de pas toute mal. Façon, c'est pas forcément au moins bien, je pense. C'est un Mario Kart, quoi. Un Mario Kart mauvais. J'espère juste qu'il sera pas aussi feignant que le Mario Kart 7 qu'ils ont sorti sur 3DS. Et pour moi, c'est un bon jeu, mais ils auraient pu, enfin, aller tellement plus loin. Là, il y a pas grand-chose au niveau des modes de jeu. Il y a pas réellement d'innovation. Enfin, les passages sous l'eau, ils sont anecdotiques. Enfin, ouais, moi, j'ai trouvé que c'était un épisode très sympa, mais très feignant aussi. La dynamique de jeu est sympa, mais c'est vrai que là, ouais. Bon, le fait est qu'ils nous ont mis deux Rainbow Road, ça, sur ça cool, dont l'original. et faut dire aussi, le Mario Kart 7, ils l'ont un peu pressé pour le sortir à Noël 2011. Ouais. Bah, pour être le booster pour, de la 3DS, voilà, tout simplement. Ce qui a été le cas, d'ailleurs. Oui. Bah, un peu comme celui de la Wii, en fait. Hein. Sauf que la Wii avait été lancée très fort dès le début, alors que le Mario, la 3DS a eu un peu de mal. Ouais. Mais alors, l'épisode Wii, au final, je crois que c'est 25 millions d'exemplaires vendus. Mmh. C'est monstrueux, c'est énorme. Ah non, ça a été énorme. Dès les premières semaines, le jeu était introuvable, je m'en rappelle. Alors, ce que tu dis, Gallium, c'est vrai, mais pour tous les jeux Nintendo. Pour tous les gros jeux Nintendo, en fait. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. Gallium disait que c'était un million de sellers. Ouais. Et surtout qu'il se vend, alors c'est surtout 5 millions de sellers, mais qu'il se vend dans le temps. Ils se vendent encore. C'est un peu la nouveauté de la Wii et de la DS, c'est que ces grosses licences, enfin surtout de la Wii, ces grosses licences-là, ça se vend tout au long de la vie de la console, et ça se vend très bien. Mais aussi parce que Nintendo les market aussi sur le long terme. Oui, là il y a encore des pubs, enfin Mario Kart, oui, il y en a plus, mais il y en a plus, mais il y en avait encore 2-3 ans. Un an après, il me semble. Ils ont même pendant fait 2-3 ans, ça a duré. Voilà, je me rappelle qu'il y a un Noël où Nintendo avait marketé la Wii sur Mario Kart un an après. C'est ça qui était très fort. Et ça marchait très bien. Ah oui, ça marchait très bien. Alors, l'autre révolution, on va dire, de cette année 2008, pardon, c'est l'arrivée du Wii Fit, qui est juste... Autre détonateur des ventes, d'une second souffle de la Wii. Ah oui, complètement, parce que finalement, tu achètes le logiciel avec comment s'appelait la planche? La Wii Balance Board. La Wii Balance Board, exact. Qui servira de façon anecdotique dans d'autres jeux, mais très anecdotique. Comme tu disais, le déclencheur d'un acte d'achat de la Wii pour ça, alors que finalement ça n'a rien de... Ils ont essayé de le rendre ludique, mais le plus important c'était de s'exercer quotidiennement de façon régulière pour y voir, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais de vrais effets. Fallait vraiment le pratiquer quotidiennement. Oui, voilà, et tout, c'est ça. Et, mais à condition d'avoir une vraie pratique. C'était pas, de c'était pas de la perte de poids ou des trucs comme ça. C'était plus là où il y avait un gain, c'était sur la gestion d'équilibre, l'équilibre, des choses comme ça, des choses assez simples que tu peux faire sans balance board au final, quoi. En fait, le Wii Fit est un très bon logiciel d'accompagnement au retour au sport. C'est ça, c'est, en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pas un truc, c'est forme, pas un truc où si tu le fais intensivement, tu vas perdre du poids, mais ça peut être un bon accompagnement. Marcher, hein. On connaît quelqu'un qui prétend avoir perdu je sais pas combien de kilos avec Wii Fit. Enfin, avec Wii Fit. Mmh. Je connais pas. Tu connais quelqu'un Moi, je me dénonce. Des noms. Dénonce. Il y a où? Ah, ah oui, bon oui, oui, oui, oui, oui, oui, mais ça. Après, c'est Yahoo! Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que. Il faut bien comprendre aussi que le Wii Fit, c'est un peu une continuation de la stratégie d'élargissement du public, si on veut comprendre ça. C'est dans la gamme des Brain Trainer, des Kawashima, c'est plus du logiciel que du jeu. Voilà, c'est-à-dire que Nintendo, toujours c'est une stratégie à long terme, c'est-à-dire que la console voulait s'ouvrir au plus grand public. Donc avec le Wii Sport, c'était pour simplifier, pour faire un jeu fun. Et le Wii Fit s'ouvre encore plus à du logiciel pour femmes, parce que la cible principale de Wii Fit était les femmes, car le jeu a été très très poussé dans les magazines féminins, à ce qui paraît. Oui, et c'est à partir de là où d'ailleurs où ce genre de magazines Les magazines féminins, les magazines grand public et tout se sont intéressés à des événements comme l'E3. Avant, il n'y avait pas ça, et c'est vrai que depuis, il y a une grosse part cette presse-là qui vient voir la conférence notamment, d'où le changement de ton aussi depuis quelques temps dans les conférences. Ah bah oui, rappelez-vous en 2007 la conférence Nintendo, on attendait Oh, merde. la méga bombe, le mégaton, et puis le mégaton c'est Shigeru Miyamoto qui se ramène avec la Wii Balance Board. Et Animal Crossing qui était présenté aussi dans Oui mais cette bon même conférence. c'est dans Wii c'est Music pas. aussi à 2007. Comment? 2007, il n'y a pas Wii Music aussi? Non, ça c'était après. C'était 2008, mon cher. D'accord. Et il y Avec avait Sarah Palin. eu aussi le. Mais ça c'était 2008 aussi, et c'était le Vitality Sensor Qu'on n'a plus jamais revu. qu'on n'a plus jamais revu et qu'on reverra certainement pas. Voilà, au Pourquoi? revoir. Je crois que c'est tout, hein? Oui, ouais, je pense qu'on a fait le tour en même temps de la Wi-Fi. Personnellement, je crois que personne autour de cette table numérique n'a jamais testé Wi-Fi. Non. Hein. Non. Non. Tester, oui, l'avoir, non. Oui, voilà. Et, alors, tester l'accessoire répondait bien. C'était un très bon accessoire et tout. Bon, à 100 €, Oui, ça fait voilà. cher la balance, mais. Bah, surtout, alors, il y a certains jeux qui ont tenté de le réessayer, mais ça Ouais, il y a eu restait. quelques trucs. Il y avait eu, je me souviens de Skate It, no notamment, qui était la version Wii de Skate, le jeu de Skate. Bravo! Qui a détrôné quand même Tony Hawk sur Dans le cœur console des fans, HD, mais. ouais, tout à fait. Mais Mais. qui a pas duré longtemps plus, puisque maintenant la Exactement. licence est un peu en sommeil. Ouais. Mais oui, c'était. La malédiction du skate. Comment? Non, je disais, c'est la malédiction du skate. Parce que bon, voilà. Tony Dans Hawk aussi, quelques années, pareil, skate ça a plongé, up, y a quoi. plus de jeux Ouais. skate maintenant. Bon, voilà. Alors, Mais. je voulais juste qu'on passe à un jeu qui est aussi représentatif de la Wii, parce qu'il y a plein de petits jeux comme ça qui sont vraiment intéressants, qui sont méconnus par contre, et qu'on peut pour lesquels on peut trouver dommage qu'ils n'aient pas eu de succès. Alors je pense notamment au premier jeu que j'ai listé sur 2008, c'est Zack & Wiki, le trésor de Barbaros, qui est un excellent jeu, Un point and vraiment. click, C'est on un peut dire ça. must-have de la console. Ouais, tout à fait. Là, c'est pareil, c'est tout est une question d'ambiance, de gameplay, parce qu'on est dans une ambiance de pirate, ça fait Cartoon. C'est très le cel cartoon, ouais. shading, Très cartoon. très coloré. Et ouais, c'est pirate avec deux personnages super attachants. Et donc, c'est une suite de salles que l'on doit traverser En point et clic. voilà. Point et clic, ouais. C'est-à-dire qu'on doit, c'est un mix d'objets, faut savoir trouver ce qui permettra d'ouvrir la Utilisation, porte, quoi, voilà. utiliser sur quoi, enfin Ouais. voilà, c'est. Et voilà, la Wiimote, on l'utilisait par exemple, une pince, on pointait un objet pour aller le récupérer. Enfin, il y avait pas mal d'interactions, et puis les énigmes étaient super intelligentes. Il a été plutôt bien reçu à l'époque, hein, je me souviens. Enfin, moi Ouais, j'ai pas joué, mais il a été il plutôt était bien assez reçu, bien hein. reçu, ouais. Ouais, Mais et le je me problème, suis. c'est que Capcom n'a pas assez poussé, quoi, en fait. Ouais, Ouais, bah, c'est le voilà un gros problème de problème, ouais. beaucoup de jeux. Voilà, c'est un jeu de niche. Déjà que les points et clics à l'époque, c'était un peu. Enfin, ça revenait un petit peu à ce Ça revenait un moment-là. petit peu, mais c'était pas Et c'était encore. sur C'était surtout PC. sur PC, ouais. C'était sur PC. Sur Wii. PC. Ah, étant très fan, c'est surtout. Oui, voilà, je peux témoigner que là en ce moment, c'est encore plus flagrant, mais c'est vrai que ça commençait seulement à revenir. Hein. Mais et tu vois, sur Wii, justement, la télécommande et le Nunchuk étaient Elle est très vraiment. bien. Voilà. Ah En oui, fait, on pouvait croire que c'était très bien. D'ailleurs, il y ça en a eu pouvait être plein vrai. hein, après. Convenait parfaitement pour ce style de jeu. Parce qu'on verra en 2009, il y a eu les Chevaliers de Baphomet, pardon, Ouais. qui sont revenus. De Oh Baphomet, voilà. là. Il y a eu les Runaways, Les il y a Sam & eu Max. Sam & Max, saison 1. Le saison 1, ouais, qui a été to totalement doublé Foiré. alors que les autres n'ont pas été localisés. Ouais, et il a été totalement foiré d'ailleurs. Mais oui, il y a eu beaucoup de points et clics après. Le problème de ce genre-là, c'est que c'est un jeu de niche. Enfin, au niveau des contrôles, c'était adapté à la console, mais pas plus, quoi. Le public. Et puis le public, il est pas sur Wii, il est sur PC, quoi, pour des Oui, jeux comme ça. clairement, Ouais, mais tu vois, clairement. sur un Zack & Wiki, ça s'adapte parfaitement à Voilà. des enfants, Ah tu oui, vois. clairement, ouais. Après, la licence n'est pas morte. Je pense que, enfin, Capcom avait dans l'idée de faire une suite, Et ça m'étonnerait pas qu'on le revoie un jour, même Mais si. pourquoi pas sans rire sur une console portable, sur la 3DS par Ou exemple? sur l'eShop? Qui. Ouais, ou même Un sur sur l'eShop? je ouais, je sais pas. Ou Je sur sais PS pas Vita comme on avait sous quelle vu. forme il le ferait. Mais ça me paraît pas impossible. Enfin, moi je pense que c'est une licence à laquelle Capcom tient beaucoup. Parce que voilà, ça travaille aussi sur l'image. Et c'est peut-être un jeu qui s'est pas très bien vendu, mais il a eu des critiques unanimes partout. Et c'est clairement un jeu fait pour donner une bonne image aussi de la marque, enfin de l'éditeur. Et je pense que on finira par le revoir. Oh bah ils nous sortiront des BD, c'est sûr. Avec plein de Mais bêtes. non, ils le sortiront sur la console virtuelle. La console virtuelle Wii U. Nouvelle façon de jouer Zakewiki. Un autre jeu qui a été très apprécié, qui a été très apprécié en tout cas au niveau de la critique, c'est pour son esprit totalement barré, c'est No More Heroes de Suda Goichi, donc Suda 51. L'éditeur c'est Capcom, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Alors, sur Ah le non. premier. Non! Sur le Attends. premier, il me semble pas. Je me demande si c'est pas Atari ou. Enfin. C'est Rising Star Game. Ah oui, voilà, Et Rising Star Games, ouais. Rising Star Games, c'est l'éditeur qui édite les Des jeux jeux de totalement niche. fous qui viennent du Voilà. Japon. En fait, ce que tu as confondu, Romain, c'est avec Killer 7. Ah, Voilà. voilà. Killer Killer 7 qui était 7 qui l'un des était jeux du Big Five, enfin le. sur GameCube par contre, ouais. Ouais, Du voilà, 7 exactement. avec PN07, PN03, Voilà, ok. 03, Et Dead Phoenix qui est mort. RE4. Oui, Resident Evil 4 surtout. Ouais. Exactement, ouais. C'est le gros. Et Et donc, Killer oui. 7 qui est à peu près le meilleur jeu de la GameCube. Mais ce n'est Voilà. pas le sujet de ce soir. Tout à fait. Donc, No More Heroes, l'homme qui sauvegarde en allant sur les GOG. Ah, Exactement. exactement. Et en fait, bah voilà, c'est l'œuvre. Alors, beaucoup de gens l'ont pris pour un GTA-like, ce qu'il n'est absolument pas. C'est un gros beat'em all des familles. Avec des petites scènes entre chaque mission où tu peux te balader dans la ville extrêmement pauvre. Il n'y a rien à faire dedans à part récupérer des balles et des t-shirts. Il n'y a rien à faire dedans. La moto en plus c'est assez chiant à diriger. Mais c'est par contre c'est un très très bon beat'em all avec un système. Alors, il a eu la très bonne idée de ne pas faire des coups de Wiimote dans tous les sens pour mimer les coups d'épée. Non, il Que, fallait juste se branler on pour charger rappelle, l'épée. voilà, on rappelle, C'était cool ça. le héros Ça, c'est c'était cool. Travis Touchdown. Travis Touchdown qui achète un sabre laser sur eBay. Normal. Ça commence bien Voilà. déjà. Normal. Oh merde. Normal. C'est à partir de ce moment-là que une agence d'assassins le contacte pour lui dire qu'en achetant ce sabre, il est devenu la cible de tous les assassins du coin. Et en fait, pour calmer tout le monde, il va devoir buter les 10 premiers assassins du classement. Pour devenir numéro 1. Voilà, parce qu'il y a un classement des assassins, forcément. Et pour draguer Sylvia Crystal, je crois, je sais plus Sylvia, comment. ouais, qui est Ouais. la responsable de Sylvia, l'agence voilà. machin. Et donc voilà, pour recharger le sabre, faut secouer la Wiimote D'une façon très suggestive, si j'ose dire. d'une manière très masturbatoire. Voilà. Très Oh, très j'aime très bien. phonétique. Poétiquement que moi. Et c'est ouais, c'est du Souda. Déjà, c'est en cel shading. La direction artistique est assez exceptionnelle. Enfin, moi, j'adore. C'est un peu dans la veine de Killer 7, en plus. Je sais pas comment dire, Plus cel shading? en moins abrupt en fait Plus dans cartoon, les j'aurais choix de dit moi. couleurs. Ouais, c'est ça. Plus cartoon. C'est très violent. Et alors Pas en France, faut quand même préciser. ouais, pas en La version France, française, non. la version française a été censurée, on avait du sang noir. Enfin des pixels noirs à la place du Oui, sang. c'était un peu con, mais. Ouais. Bah, ils ont rectifié le tir pour le 2, de toute façon, mais bon. Ouais. Ouais, mais les boss étaient enfin c'était vraiment What the énorme, c'était fuck? du grand n'importe quoi. Voilà, c'est du what the fuck. Le gameplay à la Wiimote en fait, on tapait avec le sabre, on tapait avec le bouton A Ça faisait des combos, etc. Et en fait, il y avait un système de garde haute et de garde basse qui était très important, en fait, qui se faisait en fonction de la Wiimote, si on la levait ou on la baissait. Et en fait, c'est ça qui faisait toute la subtilité du gameplay. Ça paraît tout con comme ça, mais en fait, ça change complètement le jeu. Faut que tu t'adaptes aux ennemis et tout. Bon, il y avait d'autres subtilités après avec des mouvements de catch et tout. Il y avait pas mal de choses en fait, mais l'exploitation de la Wiimote était toute bête. Mais c'est ça qui faisait la différence entre un jeu qui exploitait la Wii correctement et un jeu qui faisait n'importe quoi à faire des mouvements dans tous les sens avec la Wiimote et qui reconnaissait que la moitié. Je suis D'accord. d'accord. Au final, Memory Heroes, il est sorti aussi sur console HD ensuite, non? Ouais, il y a eu Mais Memory beaucoup Heroes plus tard. Paradise, Beaucoup plus beaucoup plus tard. tard, beaucoup beaucoup plus plus tard, tard. et qui a été développé par Philplus, qui a développé notamment Lost Odyssey et puis d'autres jeux. Et il me semble que ça a été distribué par Et Konami ce coup-ci, non? ouais, Ouais. je crois, ouais. Et en fait, il était encore plus buggé que l'original. Il était assez moche et les contrôles étaient pas terribles. La version était assez catastrophique en Et fait. donc ça a été encore plus un bide que la version Wii qui était déjà Voilà. pas, qui a pas eu des ventes aussi faramineuses que ça, D'accord, mais. bah, j'ai bien fait de pas l'acheter alors. Parce que. Non, t'as bien fait. Le Paradise, non, faut pas l'acheter. Et donc il y a aussi un deuxième épisode qui est sorti sur Wii. Ouais, deux ou trois ans plus tard, C'est et ça. qui est, 2011, je crois. qui a un peu mieux marché, il me semble. Et par contre, alors moi je le trouve moins bien que le premier. Parce qu'il y a. En fait, il y a beaucoup de choses en plus. Ils ont voulu rajouter beaucoup de choses. Les jeux Mais 8 bits. un peu. Ouais. Les boulots. En fait, pour gagner de l'argent, il faut faire des boulots. Il me semble qu'il y a système déjà dans le 1. Hein. Je sais Ouais, plus. dans le 1, ouais. Dans le 1, Mais il y a c'était déjà pas sous ça. Et en forme de fait. jeu 8 bits. 8 bits. Oui. Et dans le 2. Et en fait, dans le 2, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est les boulots. Pour les rendre plus originaux, ils les ont fait en genre de jeu 8 bits. Mais assez raté pour la plupart. Enfin, c'est chiant à faire. Bah, c'est. Oui. Bon, mais ils ont voulu faire quelque chose d'original. Ouais. Tout simplement, ouais. Et au niveau des boss, au niveau de. Parce que le scénario avait Enfin, le scénario du 1 était. Il y avait quand même des grosses surprises dedans. Il y avait notamment un final complètement fou. Et c'est ça aussi qui rendait le jeu très bon. Et le 2 est clairement un cran en dessous Bah, là-dessus. je trouve que c'est un peu une repompe du 1, tout simplement. C'est-à-dire qu'on Ouais. arrive. Il y a Le moins début du 2, l'originalité c'est du. tu as perdu de. Tu es descendu dans le classement, il faut que tu remontes le classement. Ouais, Ah. là, de 50. De Voilà, oui. 50 places. Mais t'as pas 50 combats. Enfin, il y a Non, des non, bah trucs un heureusement. peu. Mais ouais, même au niveau des boss, il est moins. Il est moins intéressant et tout. Ça reste un très bon jeu, hein, mais il est clairement en dessous du 1. Et qu'est-ce que vous pensez, changement total de jeu, PES 2008? Là, Alors attention, attention, alors la précision est importante, c'est PES 2008, version Wii bien évidemment, parce que les contrôles sont totalement différents. Ouais. C'est pas un simple et bête portage Exactement, pas comme un d'un FIFA. jeu Xbox 360 PS3 sur Wii. C'est vraiment un jeu qui a été développé spécifiquement pour la Wii. Alors, ça faisait même penser plus à un jeu stratégique. Quand tu vois C'était. juste, alors vraiment. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, en fait. C'est que. Donc, le jeu se basait sur la version PS2 du 2008, c'est-à-dire la version de PES6, en fait, qui remettait à jour tous les ans. C'est ça. Et donc, c'était quand même de la qualité, enfin, c'était un jeu de qualité en soi. Après, ils ont enlevé plein de mods et tout, c'était n'importe quoi. Par contre, au niveau des contrôles, avec la Wiimote, ce qui était bien, c'est que donc on pouvait télécharger, non, Télécharger ici. n'importe quoi, diriger tu diriges ton joueur qui a le ballon avec le stick du Nunchuk. Et à côté, tu peux faire des appels avec tes joueurs en les pointant à la Wiimote, etc. En fait, on dirigeait tout l'environnement, tout Ouais. simplement. Et alors, Voilà. là-dessus, enfin, c'était vraiment. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé l'idée et l'exécution dans les phases offensives. Et ça a apporté énormément au jeu. Ça manquait de précision. Parce que la première version s'était améliorée un petit peu par la suite. Le système de tir était vraiment... Ouais, appuyer, agiter un petit peu le nunchuk pour tirer. Bon. Surtout qu'on pouvait pas choisir apparemment où on pouvait tirer. Bon, c'était mal foutu. Mais, c'était plus un jeu d'expérimentation. Exactement. Oui, voilà. Mais ça montrait ce qu'on pouvait faire avec un jeu de foot à la Wiimote. Après, les phases défensives étaient horribles. Les modes de jeu, c'était pourri. Il y avait plein de choses qui allaient pas dans ce jeu, mais l'idée des contrôles sur les phases offensives était juste, moi c'est ce que j'attendais d'un jeu de foot réellement en fait. Quand tu compares par exemple, je compare deux choses qui n'ont vraiment rien à voir, c'est PES 2008 et le Mario Striker dont on a évoqué tout à l'heure. Mmh. C'est, on se dit, par rapport au contrôle qu'on te permet, même si, tu vois, ils ont mis en place une ébauche de jeu, parce que bon, c'est PES, quoi, c'est pas... ça reste encore à l'époque... ça restait une référence. Ça restait, la grande simulation. Tu te dis, voilà, c'est quand même assez compliqué. En train de faire ouais, mais ça commençait seulement, c'était pas encore... FIFA était pas encore indétrônable. C'était pas encore implanté. Ouais. Et donc tu te dis que c'est quand même même s'ils ont ils sont tenté ça même en essayant d'affiner par la suite les contrôles, c'est pas forcément évident d'en ressortir une version qui soit vraiment très jouable malgré tout le fait d'avoir essayé, le fait d'avoir sorti surtout une version spécifique à la Wii, c'est plutôt c'est un effort à saluer. Oui, voilà, c'est tout, ouais, tout simplement qui n'a pas été fait par la concurrence. Non, clairement, c'est l'une des rares tentatives de jeux, même de licences qui étaient vraiment adaptées. Ouais. Une vraie adaptation sur Wii, tout simplement. C'est ça, c'est une chose qui a, on le verra plus tard, qui a bien manqué. Sûrement beaucoup manqué à la Wii, parce que des adaptations, c'est, ouais, apparemment, moi je pense que j'ai l'exemple de Dead Space Extraction qui est. C'est pareil, c'est pas une adaptation pure, parce que c'est un jeu qui a été totalement créé, c'est un jeu de shoot banal, bête. Il y a eu les Call of. Voilà, mais principalement, mais c'est il y a quand même l'effort de proposer une expérience différente qui est adaptée à la Wii, quoi. À la Wii, ouais. Tout simplement, ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, on va vous parler de THQ. Attention, on n'en recule plus. Oh, les pauvres. Avec le magnifique, le très bon et excellent De Blob, qui a pointé le bout de son nez en 2008. Hein. Et qui a un petit jeu. Alors ça c'est pareil, tu vois, c'est un peu comme les Zack & Wiki. C'est comme les Zack & Wiki. C'est-à-dire c'est un jeu qui fait pas de bruit, pourtant qui est super intéressant. Qui a du charme. Super, il a un capital sympathie énorme. Comment ? Il a un capital sympathie énorme. Ouais, capital sympathie. Absolument, ouais. Et surtout, c'est pareil, t'as plusieurs niveaux de lecture dans ce jeu, c'est-à-dire que tu peux le faire à fond à blog, tu fonces dans les objectifs, etc. Ou soit tu prends ton temps et tu prends ton temps sur chaque partie de la ville qui te sont dévoilées au fur et à mesure. Alors, pour parler vite fait, de Blob, c'est un petit personnage qui a la capacité, en fait, de prendre la couleur, d'absorber la couleur, et donc... le différentes couleurs, hein, ça va de l'orange au bleu au rouge, etc. Et donc le but c'est que il y a une sorte de c'est une dictature, c'est ça, ou dictature du noir et blanc, je crois, un truc qui comme ça, toutes les couleurs, voilà, exactement. C'est Link Ink, je sais plus comment on sait exactement le nom de la société et du dirigeant, mais c'est un truc avec l'encre, un jeu de mots avec l'encre, Ink quelque chose, ouais. Ouais. Et donc c'est donc la petite boule que l'on va la petite boule rebondissante que l'on va jouer, en fait, va avoir pour rôle de recoloriser recolorer le monde entier, le monde qui nous est présenté ici, quoi. Et c'est alors les contrôles aussi sont importants ici, c'est-à-dire que je pense notamment aux deux où ça pêchait plus à ce niveau-là, puisque là pour sauter c'était finalement plutôt bien fait, parce que c'était avec la télécommande, puisqu'on secoue la télécommande pour faire sauter le personnage, donc c'était plutôt intuitif au niveau des commandes. Ce qui a changé d'ailleurs pour le 2. Exactement. Et que j'ai pas du tout aimé. Mais... Il faut dire que le 2 était multiplateforme aussi. Ouais, ils sont clairement adaptés au contrôle manette traditionnel. Mm-hmm. Et t'avais sauvé, on parlait du monde qui nous est présenté, et donc, notamment le fait que ce soit il y a cette dictature du noir, je trouvais les scènes cinématiques sont vraiment très drôles. Elles sont très drôles, très jolies, et en même temps, il y a un sous-texte assez important aussi. Et... Ouais, une profondeur au Enfin, niveau du finalement au niveau du jeu que l'on n'a pas l'impression de voir au premier abord. Exactement. Un très bon jeu, en plus je crois qu'il est trouvable Pas trop cher, plus je très dirais. cher maintenant. Ouais, en dessous de 20 € on peut le trouver facilement, je Facilement, pense. ouais. Et souvent Et il fait partie des jeux qu'on voit moi ouais. j'ai dû trouver en solde dans les bacs à solde vous pouvez le trouver pardon très facilement. Et y avait un truc aussi que j'avais beaucoup aimé dans ce jeu, c'est les musiques Oui, tout à fait. qui sont évolutives en Évolutive, fait. exactement. Et selon la couleur et selon l'avancement dans le niveau, avec les différents objectifs de rempli, etc., chaque musique va avoir un style différent. Et après, selon l'évolution, justement, y a des instruments qui se rajoutent et la musique devient plus riche, etc. Tu choisis pas non plus au début, en plus, le style de musique que tu vas avoir. Hein. Ah si, peut-être. Il y a un écran en fait où tu peux choisir. Après, ça s'étoffe au fur et à mesure de Ouais. l'avancement dans le jeu, mais qui ça te permet d'avoir encore plus de variété et de choisir la musique que tu veux voir que Ouais, tu donc veux c'est écouter dans le beaucoup de jeu. musique, enfin c'est jazzy ou samba, ou C'est enfin ça. c'est très festif en général. C'est clair. Mais elles sont vraiment excellentes. Alors, on va présenter deux gros jeux Nintendo aussi. Que Antoine, tu connais très bien. Alors, je vais bien évidemment parler de Super Smash Bros. Brawl et de Animal Crossing. Donc, on va commencer pardon, par Smash Bros. Qu'est-ce que tu Ah, peux nous en dire hein? la grosse fiesta Nintendo Ouais, version Wii, quoi, j'ai envie de c'est dire. juste au niveau du contenu, je crois que j'ai jamais C'est vu l'orgie. un jeu aussi riche. Complètement fou, ouais. Je Ah non, crois mais. que c'est pas possible de faire mieux. Pour indiquer un peu la richesse du contenu, c'est que ils ont commencé à dévoiler des choses un an avant, dans ce qu'on appelait c'était le Smash Bros Dojo. C'était le dojo de Smash Bros. Et en fait, tous les jours, ils présentaient un élément de Smash Bros. Pendant un an. Tous Bah les il faut... jours, Vas-y, continue, ça... ils présentaient un objet, un personnage, un décor, et ils présentaient un truc du jeu. Et ce qui est complètement hallucinant, c'est qu'ils ont fait ça pendant un an, et que arrivé à la sortie du jeu, il y avait encore énormément de choses à découvrir qu'on n'avait pas vu, etc. Et le contenu est juste hallucinant, quoi. Il faut aussi Magnifique, quoi. remonter au moment Regardez où ça. a été révélé le jeu. Donc c'était à une roundtable de Miyamoto. Je crois qu'il me semble c'est à l'E3 2006 Ouais, d'ailleurs. ouais. À l'E3 2006. Et je m'en rappelle, il l'avait pas révélé pendant la conférence. Et en fait, à la roundtable de Miyamoto, ils nous sortent un trailer. Et bon, on voit bien sûr les personnages. Puis d'un coup, à la fin, truc, Snake. Enfin, Ah la ouais, ça voix, la voix c'était la japonaise de Metal Gear. grosse annonce. Ouais. Voilà. Et Ouais, puis ça d'un coup. c'était. Oh putain, Solid Snake! Ce qui était quand même une putain de mandale quoi. Oh putain, on va jouer Solid Snake dans Super Smash Bros. Brawl! Ouais, C'est fou, et c'est puis con, mais après il y a eu tout était l'annonce de complètement Sonic, bizarre et quoi. puis Bah, enfin. Sonic aussi, ça a été quand même le. Ouais. Comment dire? L'annonce masturbatoire du rétro gaming, parce que voilà, enfin, pour la première fois, on allait se faire bastonner Mario et Sonic. Et C'était Sonic ça en gagne, fait hein. l'annonce. Même si Voilà. c'était, enfin, il y avait déjà eu Mario et Sonic au JO Oui, mais un c'est pas peu avant, pareil. C'est pas mais pareil. c'est Je veux pas pareil, dire, ils sautent pas sur la tronche. on va dire que Mario et Sonic au JO, c'est plus enfantin, c'est la Oui, fête. c'est pas un Smash Bros. Ouais. Tandis que Smash Bros, bon là, on les fait vraiment bastonner, quoi. Moi, je résumerais Super Smash Bros Brawl par c'est un porno pour les handsex, quoi. Et encore plus. C'est-à-dire que. C'est l'hymne du fan service, quoi. Tu peux Voilà, pas c'est l'hymne faire. du fanservice, hein. C'est vraiment. C'est bah il y a tellement de contenu, il y a les trophées comme il y avait avant dans Melee, donc des trophées de personnages avec un petit historique du personnage Mais ou ça a été encore des plus éléments poussé et tout. super complet aussi, hein. Il y avait les stickers, il y avait des démos de certains jeux. Il y avait les musiques, alors les musiques de à peu Ah, près c'était une vraie compile. Ah, tout, ce jeu, oh là là. avec des Cette BO. compositeurs de dingue. Notamment, bah, il y avait le main theme qui était composé par Nobuo Uematsu. Et Ouais. c'était des compositeurs de fou derrière, enfin, qui avaient fait chacun un titre. Mais il me semble qu'une compile est sortie hein, au Japon avec toutes les musiques. Je sais plus. Ouais, c'est fort possible, C'est mais fort possible, hein. Bon, voilà, ça doit coûter une c'était. maison, hein, mais. Ouais, mais c'était du pur fan service, Ah mais il oui, y en non, mais avait complètement. partout, Il y a eu du partout. remix de. Il y a eu des remix de thèmes qui étaient incroyables. Je veux dire, par exemple, pour la première fois, c'est la première fois qu'on a eu un Zelda orchestral, un thème de Zelda orchestral dans un jeu, c'est quand même dans Super Smash Bros. Brawl, il me semble. Alors Oui, qu'avant. oui, Oui, parce que voilà. celle de TPS était en midi. Voilà. Et là, on a eu le thème de Zelda super épique. Allez, Ah non, ouais, c'était c'est magnifique, quoi. et ouais, et Tu l'as en après au feu de niveau partout, hein, Chino. de... Enfin, partout, là. Ah non, mais Super Smash Bros. Brawl, ça a été. Moi, je parlerai beaucoup plus de la BO parce que pour moi, ça a été vraiment vraiment un pur truc, un démon, quoi. En plus, elles étaient toutes écoutables. Ah oui. T'avais une table d'écoute en fait et tu les débloquais au fur et à mesure bah, comme tout en fait tu débloquais tout. Alors ça c'est un truc aussi maintenant je pense qu'un jeu comme ça t'as tout en DLC. Là t'avais tout d'inclus dans la galette. D'ailleurs c'était un double couche, c'était le premier double couche de la console, enfin de la Wii. Là oui. Et le lecteur avait énormément de mal. Moi je sais que enfin la console a beaucoup douillé à cause de ce jeu. Et il y avait tellement de contenu, c'était énorme, et tout était débloquable en fait. Mais ce qui sera intéressant de voir justement, c'est comment ils vont faire Super Smash Bros. Wii U. Parce qu'avec avec les enfin, ce qu'on nous annonce sur Wii U, la possibilité des DLC, on pourrait très bien avoir, même si Ah je bah là, pense c'est que ce sera pas le cas. Nintendo qui commence à faire du DLC, c'est le début de la fin, quoi. Bah Mais écoute. Nintendo, ils en font depuis un moment du Bah DLC, hein. c'est Surtout, oui, mais après, ils en mais faisaient oui, déjà. non, mais c'était moins Mais visible sur Wii. Mais voilà. Mais voilà. c'est surtout que, enfin, là, je pense qu'ils adaptent un modèle qui va certainement être le futur modèle de Nintendo pour tous ces jeux. C'est ce qu'on voit avec New Super Mario Bros. 2, c'est qu'ils font des DLC gratuits pendant 2 mois, par C'est exemple, ça. et après ils le rendent payant. Et Bah c'est après, on va. certainement ce qu'on va retrouver dans tous leurs futurs jeux. Il va falloir voir en fait si le roster va être tronçonné pour du DLC. Ce Mais serait très très bête. ça, je pense absolument pas parce que ça reste J'espère. Sakurai qui est aux commandes. Donc oui. Et Sakurai, c'est le type le plus perfectionniste de la création. Enfin, au niveau jeu vidéo, je sais pas si on peut trouver plus perfectionniste que ça. Oui, c'est clair. Et. Quand tu vois, quand tu vous parlais de l'exemple de Super Smash Bros. Brawl, moi je prends l'exemple toujours de Kid Icarus Uprising. T'as un contenu de malade. Alors qu'il a l'air juste, enfin de prime abord, il a l'air juste d'un rail shooter, Bête et un méchant. matiné d'un peu de beat'em all. Oui, voilà. Bah, il faut dire que c'est véritablement ce Super Smash Bros. Brawl qui a un petit peu commencé la résurrection de Kid Icarus. Parce que Ah Pete oui, était. clairement. Même si Et de Pete était retour, ouais. déjà un personnage qui était apparu. C'était quand même il y a 20 Là, il ans, était jouable voilà. pour la première fois depuis 15-20 ans, quoi. Voilà. Et puis voilà, ça a un petit peu amorcé le début de la résurrection de Kid Icarus après sur 3DS. Exactement. Je suis en train d'y jouer en ce moment là. C'est super. Après, au niveau du jeu en lui-même, là par contre, moi je suis moins enthousiaste parce que le jeu, alors il est ultra riche au niveau des modes de jeu. Il y a le mode émissaire spatial Qui est le mode solo, tout qui est le simplement. mode solo, mais qui est un vrai mode histoire qui est Voilà. très très bien foutu et que j'ai adoré. Mais alors, au niveau du gameplay pur et des combats, etc., c'est quand même enfin, largement en dessous de Smash Bros. Melee, qui est pour moi juste la référence du jeu de baston à Donc, 4, le Smash Bros de la GameCube. qui est Tout le à Smash fait. Bros. de la GameCube et sur J'ai beaucoup lequel j'ai joué avec passé, je moi crois, d'ailleurs. j'ai plus de 400 heures. Enfin, c'était un truc de dingue. Et d'ailleurs, enfin, c'est de l'avis enfin, beaucoup de fans de la série. Le Brawl est quand même en dessous de Melee. Et ça s'explique très facilement, en fait, c'est que Sakurai, le développement de Melee a duré très longtemps et a été très très éprouvant pour lui. puisque en fait lui c'est ce qu'il a expliqué plus tard, c'est que c'est pas un amateur de jeux de combat. Il connaît peu les mécaniques du jeu de combat et ça a été très dur pour lui de penser ces mécaniques là pour Smash Bros Melee, qu'il a très bien fait par ailleurs. Enfin voilà, le jeu est ultra profond et technique et la communauté est là pour le prouver. Mais pour lui, ça a été extrêmement éprouvant. Ça a été un développement très dur et très très ouais, très difficile. Et en fait, en sortant de ce développement, il a dit je veux plus refaire un jeu aussi technique. Je veux un Smash Bros plus accessible et avec moins de moins de technicité quoi, et plus de contenu, etc. Et du coup, ils ont enlevé certains trucs comme le wave dash ou des techniques avancées qui n'existent plus et qui fait que le jeu est beaucoup moins joué en compète et moins apprécié en général des fans. Très bien. Alors qu'est-ce que vous pourriez me dire si je vous dis Animal Crossing sur Wii? Alors moi j'ai pas joué du tout. Le jeu gamer de l'E3 2017. Ah oui, ça c'était vous. C'était pas la première conférence de Noé d'ailleurs? Ou c'était la deuxième? Si, c'est possible. C'était la première, hein. Oh punaise. Ça, c'est carnage. Et c'était aussi l'arrivée du Wii Speak aussi. Ah, je savais pas si c'était avec ce jeu-là. Si, c'était arrivé, avec celui-là. C'est bien. C'est l'accessoire pour pouvoir se parler, c'est ça? Voilà, ouais, mais alors qui parle d'une idée pas conne, mais qui est juste en fait nul. Bah c'est pas ça, c'est que c'est l'application, enfin c'est, ils ont voulu bien faire mais c'est mal foutu quoi. Ah, ouais, en fait c'est comment ça se passait concrètement? C'était tu branchais le Wii Speak sur la télécommande, sur la console? Branché sur la Wii en USB, console, ouais. Et en fait tu la mettais sur le Wii Speak sur le mince, comment ça s'appelle, la sensor bar. D'accord, ah oui. Et en fait ça faisait un micro mais un micro pour toute la pièce. C'est bien pour avoir une vie privée, tu vois. C'était un jeu, voilà, il prévoyait de ça se joue en famille, etc. Et puis on peut se parler de famille à famille. C'est vrai que c'est vrai que quand on se parle en online, c'est vrai que c'est très famille, hein, en plus, hein. Quand tu joues online. Surtout il y a pas tous les jours online avec ma grand-mère. Voilà. Donc c'est... Mais non, mais au niveau des conversations, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est très convivial, très familial quand tu joues online sur certains jeux. Hein, donc. Non, mais en dehors de ça, Animal Crossing, c'est le jeu de Noël de la Wii pour 2008. Et c'est juste un carton absolu, puisqu'il fait, je crois, il doit être à 30 millions d'exemplaires, je crois. Ah oui, en effet. Donc, je sais pas s'il y a une histoire vraiment ou c'est toi qui construis un peu. Si, il y a une histoire. Après, moi, j'ai pas fait. J'ai en général les Animal Crossing que j'ai fait le début et puis ça m'a gonflé et arrêté. Mais non, en fait, ce qu'il faut savoir sur Animal Crossing et qui fait que, beaucoup y jouent énormément d'heures, c'est que c'est un jeu de collectionnite. C'est juste ça. C'est D'accord. un jeu de collectionnite. Tu collectionnes des papillons, tu collectionnes tu collectionnes tout en fait. Et en plus l'univers te pousse à ça ta maison à acheter. Au début tu l'achètes à crédit et puis il faut que tu rembourses, donc tu collectionnes des trucs. En fait, c'est une simulation de vraie vie quoi. Ouais, tu peux créer ta marque de fringues. Il y a énormément de choses à faire, ce qui paraît pas, mais c'est assez riche. Et tout le monde peut y jouer. Il y a énormément de gros joueurs qui jouent Animal Crossing. Et là, le Animal Crossing sur 3DS est super attendu au Japon. Au Japon il est déjà vendu 1 200 000 exemplaires. Ouais, voilà, il est sorti il y a 2 mois, je crois. Un truc comme ça. Je sais pas du tout. Voilà, depuis sa sortie, il squatte le top 10 des ventes chaque semaine. Quand il va arriver aux États-Unis, en Europe, au printemps, chez nous, ça va être pareil. Et voilà, le Animal Crossing DS est aux alentours de 20 millions, je crois. Le Wii est un petit peu plus. Enfin, c'est des trucs, Nintendo le sort et ils sont assurés de faire un carton. Ouais, tout à fait. Mais sans grande promo, parce que Ouais. bah, y a une communauté dessus, c'est c'est ça un en truc fait. qui marche sur le nom. Et puis il y a le fait aussi que Nintendo fait aussi des événements réguliers. Par exemple, pour Noël, ils vont t'offrir des objets, des trucs comme ça. Ils rajoutent du contenu régulièrement. Et ça aussi, ça garde les joueurs en jeu aussi, quoi. Ouais, un peu comme dans Pokémon, quand tu fais des petits events qui arrivent Ouais, ponctuellement. selon les saisons, etc. Ouais. Alors, je vous propose pour finir sur cette année 2008 d'évoquer rapidement d'autres bons jeux en quelques mots. Alors, j'ai envie d'abord de parler d'Okami dans le sens où bah, ça fait plaisir de voir ce jeu adapté sur Wii. Après, il y a pas mal de bémols. Hein. Bon, côté anecdotique, on va dire entre guillemets, bien évidemment, vous avez le fait que l'équipe qui a développé le jeu initialement n'a pas été incluse dans les crédits. C'était Oui, dégueulasse. Ouais, déjà ça, ouais. c'était ouais, Fait que c'était les photos au dos de la jaquette, c'est des photos IGN. C'est-à-dire qu'on voit encore. oui, Ah c'est vrai. oui, la photo IGN, oui, On je me voyait encore rappelle. voilà, le, bah, La marque. Enfin, la marque, le logo pour pas se faire IGN, piquer ouais. les photos. Voilà, souvent les sites maintenant ils mettent. Bloque la photo. Voilà, exactement. Et donc ça faisait un peu jaquette bâclée. Et le développeur du remake, c'était Ready at Dawn, qui sont très proches De Sony. De Sony de plutôt, ouais. enfin Ouais. pas de Sony, enfin ils sont De très proches Naughty. de De Naughty Naughty Dog, Dog, oui, de Naughty Dog. voilà. Et c'est eux qui ont développé Dexter Sur sur PSP, PSP, PSP, ils ont fait God of War God aussi. of War aussi. God Ouais, of God of War, War ouais, portable. ils ont fait C'est peu qu'on fait le Uncharted Golden Abyss sur PS Non, Vita. c'est un autre Non, studio. c'est Non, non, pas. non, non. C'est dingue. Mais maintenant, là, ils sont en train de faire leur propre licence à eux, etc. C'est D'où ce le qu'ils fait font. qu'on n'en a pas entendu parler depuis Ouais. quelques temps là. Parce que pendant un certain temps, il y a eu quand même une petite frénésie sur Ready at Dawn, Ouais, puisque bah parce vu les qu'ils productions qu'ils c'était ont eues, voilà. à la sortie de Uncharted 2 et Voilà. il y a eu ils étaient très proches donc voilà, il y avait une connexion quoi. Bah, vite fait, on peut dire que voilà, Okami, c'est un très bon jeu qu'il faut faire si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Après, il y avait eu quelques soucis, c'était par rapport aussi à l'utilisation du pinceau céleste, vous savez, le pinceau qui permet d'effectuer des pouvoirs et d'avoir une vraie interaction avec les décors pour L'univers. avancer. Voilà, exactement. Il semblait que avec la version Wii, c'était moins précis qu'avec je pense notamment la version PS2, l'utilisation des sticks. Après, voilà, je Bah moi j'ai suis. fait la version PS2 donc je peux pas témoigner par rapport à la version Wii mais Pareil. j'avais eu quelques échos effectivement Ouais, sur le c'est ce manque de qui précision. ressortait. Moi, il faut que je le fasse un jour. Et sous blister. Ouais. Oh Mais putain, tu fais ton rétro là. j'en Tu fais parlerai ton un rétro jour. gamer là, tu vas Ton rétro jamais sortir Non, sous c'est pas blister. ça, c'est que C'est pour le revendre plus cher, avoue-le, avoue-le. je l'ai acheté à pas cher et je me suis dit je le ferai un jour, mais je sais pas quand. En fait, les achats pas chers, c'est ton Steam à toi, quoi. Tu gardes les jeux dans Non, un mais coin, c'est puis après ça. tu les sors jamais. C'est ça, je sais pas, je dois avoir une cinquantaine de jeux Wii, un truc comme ça. Et la plupart, je les ai achetés à moins de 20 euros. Hein. 80%, ils doivent être achetés à moins de 20 euros. Doit encore y avoir l'air de 2008 sous le blister. Et le fait Bah, de Fire il a acheté récemment, Okami, quand même. Il a acheté en début d'année. Emblem. Et le Fire Emblem, tu l'as, Antoine? Le Radiant Fire Burn? Emblem, qui est excellent, c'est la suite de Path of Radiant sur GameCube. Et bah c'est un très très bon Fire Emblem avec l'introduction des sauvegardes pendant le combat, ce qui est pas une mauvaise idée. Parce C'est que quoi? Ah, c'est très dur, hein, vu Fire qu'on Emblem. crève, ouais, C'est très hardcore. Fire Emblem c'est super dur. C'est du tour par tour, c'est. Alors c'est un tactical RPG, Voilà. c'est l'inventeur du tactical RPG. Et c'est ouais, du tour par tour, ça marche sur un système de enfin, trois armes, l'épée, la hache et la lance, qui chacun, ça fait un Shifumi en fait. C'est un papier qui a eu ciseaux. Ouais, et tout est basé là-dessus, pareil pour les magies. Et ça fait un équilibre vraiment très bon, les maps sont excellentes, les dialogues, enfin l'histoire. L'histoire et déjà le Path of Radiant c'était très bon. On peut penser qu'en voyant le design qui est très manga, qui est très joli, mais qui est très manga, enfin, pour peu que ça veuille dire quelque chose, mais ouais, qui est C'est quand même pas mal japonisant. balisé Une ce esthétique manga. japonaise, on va dire. est, enfin voilà, c'est du design, à la c'est du japonaise. design japonisant, Et voilà. pas japonais, Non, précisons-le. absolument pas. Et mais c'est très très joli. Mais en voyant ça, on peut se dire, ouais, en plus le scénario, ouais, c'est bateau, machin. Mais en fait, c'est super bien écrit. Et il y a des moments, il y a des scènes dedans qui sont juste fabuleuses. Et dans Path of Radiant, c'était ça. Et dans Radiant Dawn, c'est encore ça. Et l'histoire est vraiment, vraiment, vraiment bien foutue. Mais normalement, dans les Fire Emblem, les persos, ils meurent pas quand tu... Enfin, ils meurent définitivement, non, quand tu les perds, Ouais, non? Je sais plus. quand tu perds un personnage au combat, il meurt définitivement et tu Voilà, peux pas ça le aussi. ravoir. Voilà. C'est pour ça que l'introduction des Des sauvegardes sauvegardes. pendant le combat est une bonne idée, puisque ça évite de recommencer toute la map quand tu perds un perso. Si peu que tu penses à sauvegarder. Oui. Oui. Et ce qui arrive des fois d'oublier, et là tu rages bien comme il faut, tu. Ah! T'arrives à la fin de la map. Et là, t'as un perso qui crève parce que tu l'as fait déplacer d'une case alors que t'aurais dû le déplacer à la case d'à côté. Il crève comme une merde et tu pètes un plomb. Mais en dehors de ça, c'est un super jeu. C'est ce qui se fait de mieux. Enfin, pour moi, c'est la meilleure série de tactical RPG qui puisse y avoir. Et d'ailleurs, j'attends impatiemment celui sur 3DS qui va être absolument fabuleux. Qui sortira Pour avril, je crois, non? avril 2013. Avril, Ouais, ouais. avril Bon. 2013, exact. Pour terminer, alors deux jeux. Alors pour finir, donc SSX Blur, hein, donc que tu as rajouté, Antoine. Ouais, parce que c'est ça a été le meilleur SSX. J'ai pas joué au SSX en HD qui est sorti là il y L'année a dernière. Le moins reboot. d'un an. Mais le Blur est sorti en 2008, donc ça fait déjà un petit moment. Et il est très très bon, très difficile. C'est l'introduction des Uber Tricks qui se font à la Wiimote et qui sont très chauds à réaliser. Mais c'est vraiment un très bon SSX avec tout ce qu'il y a de meilleur dans la série. Et des contrôles Wiimote pas simples à appréhender. Il y a un gros moment d'apprentissage. Mais une fois qu'on maîtrise, c'est super kiffant, quoi. C'est un bon SSX. Et Battalion Wars 2, donc que l'on connaît sous un autre Ouais. nom, sous ses versions Advance World. Voilà, Résume portable, portables, souvent donc par Advance War. Bouy. Tout à Et fait. donc Bouy, qu'est-ce que c'est moche. Oui. Donc Battalion Wars, c'est la version console de salon Salon, ouais. d'Advance Wars. Et en fait, là, maintenant, c'est de la stratégie temps réel. Donc on dirige ces troupes. Il y a de l'infanterie, il y a des chars, etc. En temps réel à la Wiimote. Et en même temps, on peut diriger un bonhomme, un fantassin, un tank, enfin une unité, directement pour aller se friter au combat. Et c'est très dynamique. C'est assez court, mais c'est dynamique, c'est fun, c'est pas prise de tête. L'aspect tactique, enfin stratégie, est vraiment sympa aussi. Et c'est un bon petit jeu, sans prétention, sans prise de tête, mais qui remplit bien Son son office. rôle. Alors, je vous propose de finir sur un jeu qui a été réalisé par Steven Spielberg. Oh, Ah, t'as direct qui c'est nous met l'eau magnifique à la ce jeu. bouche. C'est quoi? Vas-y, c'est Soldat Ryan, The Game? Collaboration. Alors, ce n'est pas It is a Game sur Atari, Oh, merde! forcément. C'est un jeu qui s'appelle Boom Blocks, qui est un jeu de puzzle, Electronic c'est Arts. ça? Qui est Comment? un jeu de une sorte de casse-brique. Voilà, de Voilà. casse-brique, ouais, édité par Electronic Arts. C'est En ça. fait, pour la petite histoire, Electronic Arts nous avait hypé sur une série de projets qui étaient chapeautés par Steven Spielberg. Ouais. Il y avait un projet, c'était un jeu, il me semble, next-gen, d'aventure, enfin pas d'aventure, de... Ouais, il me semble, non, c'était aventure, je crois. Plus trop ce Et que c'était. il me semble, hein. Et on a pas eu de nouvelles, enfin... dont on n'a finalement jamais eu de nouvelles, sauf très récemment, quand il a été annulé en fait. On a eu des petites démos, des petites vidéos du jeu, qui était en fait un jeu où c'était un extraterrestre, enfin bref, c'est assez compliqué. Et donc on a eu un deuxième jeu qui est Boom Blocks, qui est pas forcément le jeu le plus évident qu'on pouvait imaginer de Steven Spielberg. Exactement. C'est-à-dire quand on voit Steven Spielberg, on se dit « Oh putain, on va avoir Indiana Jones, on va avoir un, jeu de, un super jeu qui va tout péter. » Et finalement, on se retrouve avec un casse-brique. Ouais, mais alors, putain, quel jeu, quoi. Ah oui, non, mais c'est oui, juste, après, c'est... Enfin, c'est l'essence de la Wiimote. Quand tu vois la jaquette, quand tu vois le design, quand tu vois des vidéos du jeu, tu fais « Ah ouais ». Quand tu joues, bah tu fais « Bah putain, ouais, c'est ça qui est, c'est ça là, oui, c'est des jeux comme ça qu'il faut. » Du pur level design, pas mal de modes de jeu différents, enfin des façons, des contrôles, de l'appréhension du gameplay différentes. Et c'est assez riche et c'est super bien pensé en fait, quoi. Et c'est pas cher maintenant. Donc faut l'acheter. Oh, il doit plus être très cher maintenant, ouais. Ah ouais, je l'ai vu à 10€ il y a pas longtemps. Et il y a sa suite Boom Blocks Smash Party qui lui est super dur à trouver, et la dernière fois que je l'ai vu en occasion il était à 60€. et qui est encore mieux parce qu'il y a un éditeur dedans, il y a Spielberg dedans en plus. Il était pas vendu, il était pas, et je est-ce qu'il y a Spielberg dans la suite, je me souviens, il était pas vendu avec une télécommande. Était vendu c'était pas avec un Motion Plus peut-être, ouais c'est ça que peut-être. Ou je sais pas, non, ça m'étonnerait puisqu'il est 2008. Non, mais le Smash Party, il est 2010, je crois. Ah, le Smash Party. Party, ah oui, ah, là oui, non, moi je croyais que tu parlais du Boombox premier. Non, non. Okay. Et dans le Boombox premier aussi, il y avait, enfin, même dans le 2, il y avait du coop et du compétitif. Et bah, c'est pareil, c'était super fan d'art et tu t'assurais une vraiment bonne soirée avec ça. Très bien, c'est parfait. Alors, je vous propose qu'on s'arrête là, parce qu'on a quand même énormément de jeux encore à présenter sur le 2009, ouais. 2010. Je pense que tu voulais parler de 20 jeux seulement. Comment ouais, ça alors, possible c'est vrai qu'alors, pour être franc, à l'origine, on s'était dit, voilà, j'avais dit, voilà, ça serait bien si on pouvait mettre que 20 jeux, histoire d'avoir de faire quelque chose de bien, mais voilà, 20 vrais bons jeux, et finalement on se rend compte. Mais mon cher Romain, c'était nous sous-estimer. Absolument, mais c'est en fait j'ai mésestimé le pouvoir de la. Ce podcast va durer 6 heures, on prend les cas. Je pense qu'il peut durer 6 heures, on peut le faire durer 6 heures, on peut le faire durer. Tu veux que je te rapporte le café, c'est ça? Le podcast, franchement, le podcast Nuit Blanche, oui quoi. Oh, là, là. Qui aurait cru ça? Ce concept. Ces concepts, ouais. Puis à la fin, on se tape tous sur la gueule. Moi, je vous propose qu'on va faire ce qu'on va le, on va le scinder en deux, parce que ça va nous permettre en plus derrière de garder d'avoir quand une même vie. Un temps d'avoir une vie accessoirement, mais d'avoir un temps plus conséquent pour parler de certains bons jeux. Donc, ouais. Je pense, alors, et puis élargir quelques sujets plus en profondeur. Plus... En plus, exactement. Puis aller dormir. Élargir en profondeur et aller dormir. Ouais, mais Guillaume, il aime bien élargir en profondeur, et c'est pour ça. On parlera entre autres donc, de Little King Story. Le meilleur jeu de la Wii. De Silent Hill, Shattered Train Memories. On va faire un point Beat Trip aussi. Un point Beat Trip, forcément, sur le jeu. Oui, alors ça va être ton arme. Oui, ça va être son point. Et on parlera pas de The Conduit 2. Oh non, je suis désolé, la Wii sans The Conduit. Si tu veux, je pense que The Conduit 2 mérite un podcast à lui tout seul. Exactement, j'ai envie de dire aussi. High Voltage quand même. The Conduit n'est pas mort, hein, et ils ont prévu de le faire sur 3DS. Oh mon dieu. Mais bon, comme la boîte est un peu... Comme la boîte est un peu en train de couler à High Voltage. Et bah, c'est eux qui ont fait le portage des All and the Under d'ailleurs pour la Legate. Oui. C'est ouais, eux qui ont fait oui. la compile. Et c'est eux qui l'ont enfoiré. Voilà, tout à fait. Et ils avaient prévu, sur Wii un truc. Un truc il y avait deux vivant. Jeux. Dont ouais. Un c'était The Grinder. Et ou un truc dans le genre, et c'était un Left 4 Dead du pauvre, et c'était exactement, horrible. Ouais. Mais il semble qu'ils ont fait aussi un jeu de gladiateur, non? C'est pas ça qu'ils ont fait, High Voltage, ah, à un si, moment Tournament, Légende Tournament, ou un truc ouais, comme voilà. ça. Ouais, voilà, qui est une vraie, foire. C'était en fait, c'était un Punch-Out, bah du pauvre aussi. En fait, ils font que des jeux du pauvre. High Voltage, si tu nous entends. Mais et cela dit, parce que on rigole, quand mais la comparaison, c'est un peu le Davilex de la Wii en fait. Oh, peut-être pas à ce point-là. Davilex, c'est autre chose. Que... Davilex, c'est un statut culte, tu vois. David ouais, alors que High Voltage, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, tu vois. David X, ces jeux sont reconnus pour leur merde, tu vois. On les cherche pour ça. Cela dit, High Voltage, quand ils ont présenté Conduite, et ils avaient présenté leur moteur, leur moteur de jeu, et qu'ils étaient super fiers, et sans déconner, ils étaient pas mal, hein. Ah mais ils leur étaient moteur, super confiants, hein. Ah, les mecs, ils étaient à fond dedans, hein, je m'en rappelle, hein. Moi, Nintendo, je suis un Nintendo, petit peu... Non, c'était Sega, c'est Sega qui... C'est Sega qui c'est peut-être l'idée. À cause de ça qu'ils ont coulé derrière. Mais, Ce conduite Ils avaient mais bien ça, poussé mais... et tout. Et le jeu, en fait, ce qui est con, c'est que le gameplay était très bon. Enfin, les contrôles étaient très bons. Le moteur du jeu avait vraiment de la gueule. Enfin, c'était un bon moteur de jeu pour de la Wii. Pour de la Wii, comme d'hab, ouais. Mais le problème, c'est qu'ils ont totalement foiré le design, qui est juste à vomir. Oh, c'est, putain, oui. Alors là, c'est pour le coup, c'est le Halo du pauvre. avec des trucs flashy qui brillent dans tous les sens. C'était affreux. En fait, c'est comme si Halo était fait en Roumanie, tu vois. C'est ça. Et le game design qui était juste quelconque, qui ressemblait à rien et qui se finissait, le jeu se finissait en une dizaine d'heures. Ah, mais je me rappelle qu'on l'avait, qu'il était hypé comme un triple A de la Wii, hein, je m'en rappelle à l'époque. Oui, Sega l'avait poussé à mort. Ah oui, donc, mais il l'avait poussé, même après, les fans dans les forums, ils l'attendaient, ils disaient attention, nous on s'en fout des FPS sur console next-gen, on aura The Conduit. Et finalement, quand on a vu que The Conduit c'était de la merde. Oh, bah, finalement, oh, bof. Bah après, il y a eu GoldenEye pour rattraper, donc ça va. Oui, donc, mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Exactement, parce qu'on ne parlera pas de The Conduit. Par contre, on parlera plein de bons jeux. Alors, notamment fin 2011-2012, il n'y a pas énormément de jeux, mais il y a quand même des belles pépites, notamment du côté des RPG. Bah, si tu veux, c'est au niveau qualité que ça s'est resserré, quoi. Comment, Guillaume ? Vas-y, excuse-moi, Guillaume. En même temps, c'est des jeux, oui, quoi, donc des bons jeux, non. Annonce, je ne sais pas si on va retrouver Gallium au prochain podcast. Mais si, voyons. Enfin, en même temps, si son casque micro ne merde pas, quoi. Non, on le retrouvera noyé dans son aquarium. Tout à fait. Glou glou glou. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Une prochaine à bientôt. Partie 2. On fera en sorte de mettre les deux épisodes à suivre. Une vraie continuité avec un cliffhanger à la fin et puis un résumé au début. Avec un previously. Moi je pense que c'est un tu de chez nous qui fera le cliffhanger, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire comme cliffhanger d'ailleurs? Bah, qu'on te tue, en fait. Non, je ressusciterai après. On te met en mute. Gaillou sera-t-il de retour de la deuxième partie? Vous le saurez en écoutant. Podcastination. Les intermittents du podcast. Ah, c'est vraiment les intermittents dans ce cas-là. Ah, c'est clair. Ah ouais, non mais. Complètement. Bon, allez. À plus, à bientôt plus, pour la prochaine. À tout de suite, si vous écoutez la suite, dès à présent. Allez, bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Salut. Salut.